sur Énergie. Il est 6h qu'on amène le code. Une nouvelle journée s'offre à nous. Nous allons en profiter. Maroon 5 avec Cardi B, Girls Like You, ça arrive pour vous dans 3 minutes, juste après les concours du jour, des beaux concours du jour. Je ne sais pas pourquoi hier, les concours du jour, on voulait prendre des animaux partout dans le monde. Ah ouais, okay. Je vous raconte leurs histoires. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du brouillard partout, presque ce matin. Soyez très prudents sur la route. Cet après-midi, ce sera également agréable sur l'ensemble des régions. Pas mal de nuages sur l'Occitanie, mais de belles éclaircies dans la moitié nord et du soleil assez généreux pour le sud. La fin de semaine se présente bien également. Les températures assez douces avant de chuter ce week-end. Cet après-midi, il fera 12 degrés à Sedan, 16 au Mans, 19 à Toulon. Une main de fer dans un gant de velours. Le Premier ministre doit annoncer ce matin des mesures pour adoucir l'augmentation des prix de l'essence. On parle notamment d'une possible extension du nombre de bénéficiaires du chèque énergie ou encore d'un meilleur accompagnement des Français dans la transition écologique. À 3 jours du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement n'oublie pas non plus de réaffirmer sa fermeté. Aucun blocage total ne sera toléré samedi dans ou aux abords des villes. Dans l'actu également, c'est voté. L'Assemblée a validé hier le budget de l'éducation nationale pour 2019. Plus de moyens, mais aussi plus de suppressions de postes au collège et au lycée. L'un des motifs pourtant de la journée d'action qui s'est déroulée lundi. Le ministre compte sur les heures sup pour conserver la même qualité d'enseignement. L'un des sites porno les plus populaires en France, attaqué en justice, Pornhub est dans le viseur de plusieurs associations de défense des droits des mineurs. La plateforme est accusée de ne pas suffisamment restreindre l'accès aux enfants. Certaines vidéos seraient en fait visibles sans message d'avertissement. Pendant ce temps, aux États-Unis, les incendies continuent en Californie. L'État est ravagé par les feux de forêt. Ça fait déjà 6 jours que les pompiers luttent face aux flammes. Plus de 6500 habitations sont déjà parties en fumée. Le bilan humain est dramatique avec 44 morts et de nombreux blessés. Un mot de sport avec du foot. Les Bleus continuent de se préparer à Clairefontaine pour le match de Ligue des Nations vendredi aux Pays-Bas. Hier, c'était jour de première pour Ferland Mendy qui a effectué son premier entraînement avec le maillot aux 2 étoiles. Le défenseur lyonnais a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps cette semaine. C'est la folie sur les réseaux sociaux. On a enfin une date de diffusion pour la 8e et dernière saison de Game of Thrones. Les 6 derniers épisodes arriveront en avril à la télé américaine et en simultané chez nous sur OCS. L'épilogue d'une longue bataille entre toutes les maisons qui se disputent le trône de fer. Le trailer dévoilé hier donne des frissons. 5 préquels sont d'ailleurs déjà en cours de production pour prolonger le plaisir. Et puis du ciné maintenant avec un joli moment attendu aux Oscars. Lady Gaga pourrait bien chanter avec Bradley Cooper lors de la cérémonie fin février à Los Angeles. La chanteuse vient en tout cas de le confirmer à la presse américaine. Si le titre Shallow est nommé, elle l'interprétera en duo avec son partenaire dans le film d'énergie A Star Is Born qui cartonne déjà partout depuis plus d'un mois. 6h03, c'est la fin de ce flash. On est le mercredi 14 novembre. Très bon réveil, très bonne matinée sur énergie. Vous retrouvez Manu dans le 6-9. Bonne journée. Bonjour Paulette. Contente d'être là. Bonjour Glandieu. Danse de la joie. Bonjour Nico. Bientôt le week-end. Bonjour papa. Du caca dans les yeux. Et oh. Bonjour tout le monde. Bah alors. Ça commence. Wow. Ça là, le caca dans les yeux. Ouais, non, mais bon. Bah forcément de le dire quoi. Ouais. Oh, il faut être glamour un peu, on commence l'émission, pas le caca dans les yeux tout de suite. Ah ok, dis-moi quand, j'attends. Ouais. En fait c'est pareil, j'ai pas du caca dans les yeux, j'ai pris une douche, donc j'ai pas du caca. Mais c'est comme. Collé. Ouais, exactement. Eh oui, j'ai une, c'est ça. Il me manque 1 heure de sommeil, je crois. Oh. Ah. Donc je reviens à 7h. Bienvenue sur Énergie, les Maroon 5 arrivent dans 2 minutes. Il y aura aussi Calvin Harris avant 6h30. On est de retour pour démarrer la journée. C'est Manu dans le 6-9 et dans 5 minutes. Les concons du jour, pour vous dire qu'il y a toujours pire que vous. Oui, j'ai eu caca dans les yeux, mais moi, j'ai pas fait toutes les conneries qu'ont fait les concons, dont je vais vous raconter l'histoire dans 5 minutes. Ouais, okay. Mais avant ça, et avant les concons, avant les pires histoires, j'aimerais féliciter Nico. Ah ouais ? Nico a fait un truc d'une honnêteté. Ouais. Franchement. Ah bon ? Je suis assez fier. Honnête, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place. C'est vrai ? Vraiment. Ah, je sais, bah écoute, ça me fait plaisir. J'aimerais qu'il vous raconte cette histoire. Ouais. C'est, en fait, il y a quelques semaines, j'ai passé une commande internet. Et en fait, comme le délai de livraison était trop long, du coup, je me suis fait rembourser. J'ai annulé la commande, je me suis fait rembourser. Ouais. Mais hier, je reçois un SMS en m'indiquant qu'en fait mon colis était livré en point relais. Ah. Wow. C'est-à-dire qu'en fait il avait annulé la commande, il avait été remboursé, mais les mecs avaient quand même envoyé le truc, donc ils pouvaient le récupérer. Je pense qu'il y a eu un bug informatique, un truc. Et ben plutôt du coup que de rien faire et d'aller chercher le truc, ben en fait j'ai appelé le service client pour les prévenir et leur dire voilà, excusez-moi, apparemment il y a une erreur, donc je préfère être honnête avec vous, comment procéder pour renvoyer le truc quoi. C'est bien, c'est bien. C'est classe, bravo. Et la fille au téléphone était hyper contente et hyper surprise quoi. Elle m'a dit mais normalement personne ne ferait ça quoi. Donc merci beaucoup monsieur. Ah. Donc je suis fier, j'ai été honnête. C'est ma fierté d'honnêteté quoi. Tu vois, je vais te dire un truc. Un jour on avait reçu un colis qui était pas pour nous. Ouais. Genre c'était une petite malle jaune. On l'avait gardé. Mais non. Ah, bon, ah ouais. Mais il y avait quoi? Il y avait le nom de la personne. Non, c'était un autre nom. C'était arrivé comme ça. Ah, okay, on a considéré que c'était un cadeau de la vie. Ouais, bah oui. Mais dans ces cas-là, oui. Dans ces cas-là, non, parce que moi, c'est la même chose. Moi, ils se sont plantés. C'est peut-être un bug informatique, un truc, et je préfère prévenir. Il y a pas été. Peut-être quelqu'un qui va se faire engueuler. Ouais. Après, j'ai fait pareil aussi quand je vous avais raconté ça il y a quelques semaines où j'avais reçu 20 verres à bière. Ouais, c'est vrai. C'était pas du tout. Donc, j'avais envoyé. Non, j'avais appelé. J'ai dit, excusez-moi, j'ai 20 verres à bière. Mais j'avais appelé comme je les avais quand même sortis en me disant je les garde, je dis rien. Après j'ai des remords. Ouais. Et ils me disent faut les renvoyer. Je suis putain. J'avais jeté les cartons. Et ouais. Donc j'ai dit et ils me disent on va vous offrir un bon de 20. Je vous envoie un bon de 20% sur votre prochaine commande pour vous dédommager. Oh c'est pas mal. Et en fait j'avais la flemme de les envoyer, la flemme, jusqu'au moment où j'ai fait écouter. Est-ce que en fait donc j'ai rappelé en disant est-ce qu'en fait je peux pas utiliser le bon de 20% pour vous les acheter? Ah ouais. Bah ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est tu les as achetés du coup. Et ils me disent non parce que si vous passez une commande sur internet, on va être obligé de vous les envoyer. Oh, ouais. Galère. Parce qu'on ne peut pas uniquement payer sans envoyer. Donc vous allez vous retrouver avec 40 verres et qu'il faut les renvoyer. Oh putain. Ouais. Et à la fin le mec il fait bon écoutez, gardez-les. Ça c'est un cadeau de la vie. Voilà. En plus t'as essayé d'être honnête, donc c'est bien. Donc en fait ce qu'il aurait fallu faire c'est que tu le gardes, tu le prends, tu l'ouvres, tu le fais chez toi et t'attends deux jours après tu fais ah j'ai ouvert en fait j'avais oublié que la commande. Non, je préfère ma version, je préfère ce que j'ai fait. Ok. J'ai été honnête, je suis fier de moi. J'ai été honnête moi aussi mais après coup. Voilà. C'est ça. Genre vous savez quoi, c'est un beau sujet. C'est un beau sujet parce que l'être humain n'est pas qu'un arnaqueur. Non. Quand il ne peut plus, il est honnête. 0870-42-48, appelez-nous. Quel a été l'un de vos derniers gestes d'honnêteté? Un beau geste d'honnêteté, vous êtes plutôt fier de vous. Voilà, une fierté d'honnêteté. 0870-42-48. Paulette? Oui, moi, un jour, j'ai essayé une jupe dans un magasin et je l'ai déchirée. Et ben, j'ai avoué à la vendeuse en l'essayant, après l'avoir essayé et j'ai carrément acheté la jupe déchirée. C'est bien. C'est bien. T'as fait le régime après? Ouais. C'est pas sympa. Pardon. Qui a dit ça? C'est toi, Manu. Glandu, putain. Non, j'ai rien dit. Oh, si, oh, le coup du régime, la vanne, quoi. Oh, la vanne sur le poids, avec Paulette, avec une fille, hein. C'est bien ça. Bien. C'est dégueulasse. Ah, t'es vrai, tu me dégoûtes. Mais non. 6h08, les concours du jour arrivent dans 3 minutes sur NRJ, juste après les Maroon 5. Ah, c'est pas bien, Glandu. J'ai rien dit. Désolé, Paulette. With you, you spent the weekend getting even. Ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun, and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. Maybe you're 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you. Sur Énergie, il est 6h11. On va écouter Calvin Harris, ça arrive dans 3 minutes. Et avant ça, voici comme chaque matin, des gens improbables qui font des choses improbables. Ça s'appelle les concos du jour. Écoutez leurs histoires. On démarre en Russie. Alors, je subodore qu'il y a de l'alcool dans cette histoire. Oh non. Ah. Un pont routier est interdit aux piétons, alors que c'est le moyen le plus court pour aller dans une ville. Du coup, 4 hommes ont fait un truc pour le traverser quand même. Ils se sont déguisés en bus. Voilà. Ah. Ils ont pris un énorme carton, ils ont découpé des fausses vitres, ils l'ont peint en jaune, mais non. Ils l'ont mis sur eux, ils ont avancé sur la route persuadés que personne ne verrait rien. C'est génial. C'est alors que vrai. Si, hein, bah oui. Parce que un bus, ça ne fait pas 2 mètres sur 50 cm. Ouais. Ils ont été arrêtés en moins de 5 minutes et ils n'ont pas traversé le pont. Quand je dis que l'alcool, ça fait faire vraiment n'importe quoi. Hein. Ouais. Absolument. Voilà, voilà. Mais pourquoi tu parles comme dans Capital? Parce que je parle d'alcool. Nous allons voir maintenant de vol d'animaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier à Paris, si c'était la pleine lune ou quoi. On a 2 histoires de vol d'animaux. Écoutez bien. Ouais, un homme a volé près du Louvre une chèvre. Hein? En fait, au jardin des Tuileries, qui est un grand jardin, il y a une grande pelouse et ils utilisent des chèvres pour brouter la pelouse. Ah, ouais. C'est win-win. Okay. C'est-à-dire que la pelouse, du coup, elle est tondue et les chèvres, elles se régalent. Ouais. Et lui, il l'a vu, il l'a prise. Mais non. Il s'est fait gauler. Alors, comment s'est fait gauler? Il s'est pas fait gauler sur le moment. Il s'est fait gauler parce qu'ensuite, il a voulu rentrer chez lui avec la chèvre dans le métro. Oh là là. C'est discret. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'on te repère un petit peu, quoi. Ah, bah oui, parce qu'il y a un peu de monde, du coup, dans le métro. Bah, exactement. C'est comme si tu prends le bus ou le train avec une chèvre. Forcément, t'attires l'attention. Voilà. Et moi, j'imagine aussi ceux qui sont arrivés en retard à cause de la chèvre dans le métro. Parce que du coup, ça a stoppé le métro. Ouais. T'arrives, t'as ton chef. Ouais, t'as pas de photo pour le prouver, tu dis, vous devinerez jamais. Ouais, je sais que je suis déjà arrivé en retard hier, mais là vraiment, c'est, bah là, c'est voilà, un mec avait une chèvre. Et, faut être sûr de soi. C'est compliqué. Ouais. Autre histoire d'animaux à Paris. La police a arrêté hier un homme sur les Champs-Élysées qui roulait en Lamborghini. Alors pourquoi il a été arrêté? Pas parce qu'il roulait en Lamborghini, mais parce qu'en fait, il avait dans sa voiture un lionceau. Mais non. Un petit lion, un bébé lion. Il a été arrêté, évidemment c'est archi interdit. Bah, et le mec a sorti ses excuses. Ah non, ce n'est pas un lionçon, c'est mon chat. Oh là là, ah, ouais. C'est vrai. Alors que non, ça se voit. Hein. Ouais, en plus il les prend pour des cons quoi. Ouais, c'est ça. J'imagine le gars, fais miaou, vas-y, fais miaou. Alors le lionçon, il a été remis à la fondation 30 millions d'amis, le mec a été arrêté. Ouais. Ouais. 16h14, on revient tout de suite. On va s'écouter Calvin Harris, ça arrive dans 3 minutes. Bon réveil sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Énergie. Meilleur jingle du monde. Ah ouais. Excusez-moi, mais on le réécoute. Bienvenue sur Énergie. Manu dans le 6-9. Je vous rappelle que si vous voulez faire des jingles dans l'émission, c'est simple. Il y a l'application Manu dans le 6-9. Vous chantez sur une chanson, n'importe laquelle. Vous vous faites plaisir. Nous, après, on se démerde pour recaler sur la vraie chanson de départ. Et ça donne ces petits bijoux qu'on réécoute encore. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Il y a Noël qui arrive bientôt. N'hésitez pas à chanter les chansons de Noël. Ah bah oui. On va faire tous les jingles de l'émission avec vous. L'application Manu dans le 6-9, elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger. Reviens tout de suite. Bienvenue sur Énergie. Encore. C'est Manu dans le 6-9. Énergie. Voilà, c'est bon. On fait un break.

promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. 6h22, bienvenue sur Énergie. On va s'écouter 3 cafés gourmands. On veut du Claudie Musette. Ah! Mais ça fait longtemps qu'on les avait pas écoutés. C'est la fête. Avant ça, nous parlons de moments d'honnêteté. Oui, parce que nous ne sommes pas que les grugeurs dans la vie. Non. Ah non. Il y a parfois où je sais pas pourquoi, on est honnête. Je sais pas pourquoi. Si, on sait pourquoi quand même. Pourquoi on en parle? Parce qu'on a démarré l'émission avec cette histoire de Nico. Il l'a fait. Bravo à lui. Il y avait une commande internet qu'il avait annulée. La commande internet a quand même été livrée. Ouais. Il a été honnête. Il a appelé le service client. Il a dit non, j'avais annulé cette commande. Vous m'avez remboursé. Évidemment. Vous pouvez la reprendre. Voilà, évidemment. Bravo. Béatrice, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie, Béatrice. Tu m'appelles parce que toi aussi, tu es fière et tu es contente de partager avec nous un moment d'honnêteté, un joli moment. Oui. Moi, j'ai rattrapé un homme qui était devant moi au distributeur de billets pour lui rendre l'argent qu'il avait oublié de récupérer. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais. Tu l'as pas fait parce que tu sais qu'il y a une caméra. Parce qu'il n'y avait pas assez. J'arrête de poser des questions. Oui. Non. Merci de nous avoir appelé, Béatrice. Esteban, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Energy. Esteban, j'adore ce prénom. Ouais. C'est Esteban, ça fait aventure, ça fait les cités d'or. Ouais, c'est vrai. Esteban, si y'a Tao, les cités d'or. Oula. Le dessin animé, quoi. Oui, on connaît. Bah oui, ils ont même refait des nouveaux épisodes et tout. C'est vrai. Oh, c'est trop cool. Ouais. Le matin, on regardait pas T'es fou. C'est gênant. Excusez-moi. Jeu de mots, Isabelle. Oui. Esteban, on écoute ton histoire d'honnêteté. Alors écoute, moi j'ai avoué à ma voisine que tout l'immeuble la voyait quand elle se baladait en petite culotte devant sa fenêtre. Écoute, elle était contente que je la prévienne. Ah ouais? Ah, c'est vrai. Une c'est... voisine se balade en culotte, tu la préviens que tout le monde peut la voir. Mais, alors c'est bien Esteban, ouais. Franchement, non, c'est bien de le faire. Ah ouais. Mais du coup, elle sait que tu l'as vue. Mmh. Ouais. Ouais, mais ça a brisé la glace, c'était une nouvelle voisine, et du coup, maintenant, on se parle bien. Et donc, ah oui, voilà, c'est pas mal. C'est vrai que si c'est une voisine que tu connais depuis 2 ans, ouais, c'est ouais. La fait dire 2 ans après, tu dis maintenant c'est bon, j'en ai assez. Mettez les stores. Il faudrait changer. Vous avez pris un coup de vieux. Non, c'est bien, nouvelle voisine, tu le dis, bravo. C'est classe. Bravo, bel élan d'honnêteté, Esteban. Glandu. J'en ai eu un beau, moi aussi, un lendemain de soirée. J'ai dit à Paulette qu'elle m'avait payé 3 verres dans la nuit. Oui. Et elle avait aucun souvenir de me les avoir payés. Oh là. Ah, pour lui dire qu'elle avait dépensé de l'argent. Ouais, exactement, pour la rembourser du coup. Ça très mignon. Ouais. Pour la rembourser. Bah oui. Il m'a jamais remboursé quand je lui ai payé des verres quoi. Oh, dis pas ça. Bah je le dis. C'est ouais. J'ai des notes où je note ce que je te dois. Bien sûr. Ouais. Quel escroc celui-là. Ah ouais. Paulette, t'as de la chance de tomber sur Glandu parce que si tu dilapides ton argent comme ça, qu'est-ce qui va se passer après? Bah il va se passer que j'aurai des problèmes d'argent. Tous les jours. Non, il va se passer. C'est ce qui se passe depuis maintenant qu'elle est à Énergie, c'est que tous les 5 du mois, elle appelle la compta et qu'elle leur dit « Vous pouvez faire une avance sur salaire ?» Ce à quoi la compta répond « Mais on vient de vous verser votre salaire. » »« Oui, mais sur le mois d'après. » Et ben voilà. Catastrophe. Ouais. Léa, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Léa. On écoute un de tes plus beaux moments d'honnêteté dont tu es fière. Eh ben, un de mes collègues s'est fait convoquer dans le bureau du patron pour une connerie que j'ai faite et je suis allée me dénoncer à sa place. Wow. C'était une grosse connerie. Bah oui quand même, enfin oui. Bah vas-y, c'était genre quoi? C'était quand je bossais à Disney. En fait, on s'est amusé à appeler une autre attraction pour faire croire qu'il y avait un des trains de l'attraction à qui il manquait une roue.

Leclerc. Chérie, bonne nouvelle, le carburant est à prix coûtant tout le mois de novembre chez Leclerc. Le carburant à prix coûtant? Je te promets, le carburant est vraiment à prix coûtant tout le mois de novembre chez Leclerc. Tout le mois de novembre? Tout le mois de novembre, le carburant est à prix coûtant chez Leclerc. Oh, je ne me lasse pas de le dire. Tout le mois de novembre, Leclerc vous offre tous les carburants à prix coûtant. Hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tout le mois de novembre, le carburant à prix coûtant chez Leclerc. Voilà! Retrouvons François Vidal, directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos. Tout ce qui va changer pour votre retraite en 2019, les 12 questions clés à se poser pour l'optimiser, les stratégies pour échapper au malus, les choix à faire pour maximiser votre épargne retraite, tous les conseils de la rédaction des Échos, c'est vendredi dans un supplément spécial retraite. Pendant ce temps chez Renault, là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Amir. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là. Amir, 14 chansons inédites dans un double album collector. Inclus son single, Longtemps. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h-9h30. Sur Énergie. Il est 6h32, on est un petit peu en retard, mais est-ce que c'est vraiment grave? Non. Est-ce qu'il n'y a pas plus grave que ça dans le monde? Ah, si, il y a plein de choses. Alors ouais. Bon, en même temps, personne ne m'a rien dit. Trois cafés gourmands arrivent dans 3 minutes, juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Beaucoup de brouillard au réveil ce mercredi. C'est dangereux sur la route, soyez très vigilants. Sinon, le ciel devrait se dégager cet après-midi avec beaucoup de soleil au sud et de belles éclaircies au nord. La tendance restera assez nuageuse quand même, principalement sur l'Occitanie. Les températures sont stables et douces. Ça va chuter ce week-end. En attendant, au max, on aura encore aujourd'hui 12 degrés à Montbéliard, 13 à Brest, 18 à Montauban. La carte des manifs des Gilets jaunes, vous la retrouvez un petit peu partout sur les réseaux sociaux ce matin. Des dizaines d'opérations coup de poing prévues dans toute la France samedi contre l'augmentation du prix du carburant. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé hier, aucun blocage total ne sera toléré. Ce matin, le chef du gouvernement dévoilera des mesures pour faire passer la pilule. Des mesures censées accompagner les Français dans la transition écologique. Le chèque énergie, par exemple, il pourrait être étendu à un plus grand nombre de bénéficiaires. L'horreur continue aux États-Unis. Les flammes continuent de ravager une grande partie de la végétation en Californie. Les pompiers luttent depuis 6 jours maintenant face à l'un des feux les plus dramatiques de l'histoire américaine. 44 personnes ont été tuées, plus de 6 500 maisons sont aussi parties en fumée. Le Brexit, les négociateurs européens et britanniques se sont mis d'accord hier sur un projet de divorce à l'amiable. Il aura fallu près de 2 ans pour trouver un terrain d'entente. Rien n'est bouclé malgré tout. Le texte doit maintenant être approuvé par les ministres britanniques et par le Parlement de Bruxelles pour entrer en application. Qu'on soit doué ou pas, c'est toujours un stress de changer de smartphone, notamment de marque. D'ailleurs, certains fabricants rendent parfois les choses difficiles. L'autorité de régulation publie donc aujourd'hui une liste de conseils, de trucs et astuces pour conserver ses données, ses contacts, ses vidéos en basculant d'un téléphone à un autre. Rendez-vous sur arcep.fr dans la journée. Elle troque sa couronne pour une moto et des flingues. Claire Foy, la star de la série The Crown, change d'univers dans Millennium cette semaine au ciné. Son personnage, Lisbeth Salander, est missionnée pour récupérer un logiciel de contrôle d'armes nucléaires. Un rôle intense sur tous les plans. Lisbeth a été mon personnage le plus physique. Le tournage a été épuisant. Il y a beaucoup de scènes d'action dans le film. Une sérieuse préparation a donc été nécessaire, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré me sentir forte et capable d'endurer tout cela. Le rôle est aussi très émouvant. Il a fallu montrer toute la sensibilité de cette femme. Parmi toutes celles que j'ai incarnées, c'est elle qui a le plus souffert. J'ai dû montrer et porter cette douleur pendant tout le film. C'est une chose assez prenante et difficile. Interview signée Bertrand L'Aiguillon à découvrir aussi cette semaine les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Voilà, c'est la fin de ce flash. Il est 6h34, mercredi 14 novembre. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie. Comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9 qui continue. Très bonne journée. c'est le retour des sondages du matin pour vous. Ah. Pour quasiment une femme sur deux, 49% des femmes, c'est la chose la plus énervante que fait leur partenaire à la maison. Oulala. Oulala. De quoi il s'agit? La réponse dans 5 minutes, juste après 3 cafés gourmands qui arrivent. Nous allons parler ovnis. Ah cool. Ouais. Attention Paulette, toi qui crois aux ovnis, j'ai une info dingue dessus. Ouais, en Irlande, plusieurs pilotes de la British Airways ont vu une lumière vive dépasser leur avion à grande vitesse, comparable à Mach 2, deux fois la vitesse du son. Wow. Après vérification, il n'y avait aucun exercice militaire dans les environs. L'autorité de l'aviation irlandaise mène l'enquête sur un possible ovni. Voilà. En plus, c'est des pilotes, quoi. C'est des gens qui ont une crédibilité, ouais, qu'ils disent. Bien sûr. Des vrais professionnels de ce qui se passe dans le ciel. Ils disent que mais ils savent pas ce que c'est. Mais c'est pas les premiers, hein. Il y a plein de soldats, il y a plein de gens de l'armée, il y a énormément de scientifiques qui doutent, qui ne disent pas j'ai vu, qui disent je pense truc. Que. Le problème des ovnis, c'est que j'ai envie d'y croire. Ah. Et putain, mais ils venaient quoi. Mais oui, c'est ça. Non mais c'est toi, vraiment, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire c'est un ovni, j'ai envie de croire qu'il y a des petits bonshommes avec plein de pattes rigolotes qui s'accrochent et qui sont un peu baveux. Voilà, j'ai envie d'y croire. Mais putain, pourquoi ils se moulent pas? Mais s'ils sont en avance sur nous et qu'ils nous observent, je pense qu'ils ont pas spécialement envie de venir. Hein. On est en avance sur les vers de terre par exemple. On se cache pas. C'est vrai. Oui, mais on les regarde, on les regarde. Tu leur parles, tu prends du temps pour eux. Mais ils nous voient. Mais oui. Ils nous voient, peut-être qu'ils se disent on n'a rien à faire là-bas, on s'en fiche. Mais on n'est peut-être pas les seuls, ils sont plusieurs extraterrestres à parler entre eux. Et tu vois, j'ai déjà pris un verre de terre dans les doigts. Ils ont qu'à nous prendre dans les doigts. non mais tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Ok, s'ils sont là, pourquoi ils ne se montrent pas? Et même s'ils sont en avance sur nous, et alors, c'est pas grave, on n'en veut pas, on ne sera pas vexé. Ok, on est nuls. Bon, voilà. Mais toi, tu dis qu'ils se montrent pas, mais il y a plein de gens qui disent qu'ils en ont vu et qu'ils ont vu des apparitions. Non, mais après, t'as les gens qui disent. J'ai été enlevé par une navette spatiale et je vous raconte ce qui m'est arrivé. Les enlèvements, c'est quand même bizarre que des gens dans le monde aient la même histoire. Ok, mais alors je le dis aux ovnis, enlevez-moi. Mais non, mais le truc c'est ça, moi je veux bien croire toutes ces histoires, mais putain, mais ça te je veux, t'écoute, fais gaffe. Je veux le voir. Non, mais surtout à l'heure des smartphones et tout, il y a moyen de faire le buzz, qu'on peut faire un selfie, un truc, on n'a pas d'autres preuves que les gens qui parlent. À mon avis, eux ils sont pas là pour le buzz. Écoutez, voilà, je m'adresse à vous les extraterrestres. On se prend une photo. On est chaud, on est dispo, la porte ouverte. Cool, ouais. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Mais à mon avis, j'ai pas envie de te voir. Non, mais c'est quoi, on dirait moi, j'ose pas aller voir une nana en boîte. Hé les mecs, je suis pas un mec facile. Je suis un mec facile. Oui. Je suis un humain facile. Venez me voir, franchement. En plus, je refuse jamais un verre. C'est quand même con, quoi. Donc, d'après toi, t'intimides les extraterrestres? J'ai l'impression. Ils disent non, on l'aura jamais cet humain. Comme moi en boîte. Il est trop beau pour nous. Non, venez. Allez, 6h38. 3 cafés gourmands tout de suite sur Énergie. Juste après, c'est les sondages du matin. Comment puis-je oublier ce coin de paradis? Ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pedri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères. Au-delà d'une confidence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. En je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, Mimi sert nous à boire, on a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. J'adore ce titre, mais quand t'as les yeux qui brillent, Mimi ne doit pas te servir à boire. Ah oui, c'est vrai, ça, tout à fait. Non, non, quand t'as les yeux qui brillent, Mimi, t'arrêtes de les servir et tu leur commandes un Uber. 6h41. DJ Snake arrive dans 3 minutes pour vous, juste après les sondages du matin. Attention, c'est parti. Yes. Nous savions le faire enfant, mais seulement 37% des adultes savent encore le faire. Quand j'ai lu le sondage, j'ai essayé de le faire, j'y arrive pas. Ah ? De ah quoi oui. il s'agit d'après vous ? Ah. Boire au biberon ? Non. Du calcul mental ? Non. C'est un truc physique ou pas? C'est physique, c'est le corps. On fait quelque chose avec le corps. D'accord. Quand on était enfant, on savait tous le faire. Maintenant, on n'y arrive plus. Une roulade. C'est pas une roulade. Non. Faire bouger ses oreilles. Non. C'est un truc de souplesse, genre se lécher le coude. C'est un truc de souplesse. Mais c'est pas se lécher le coude. Ah. C'est un truc de souplesse. Bah, toucher ses pieds. Exactement. Ah ouais. Toucher ses pieds avec ses mains, vous savez, toucher ses orteils de pied en se baissant devant. Non, ouais, j'arrivais à mettre mes orteils dans la bouche, moi. Quoi? J'y arrivais, ouais. Ouais. Bah, parce que Glandu, en fait, tu sais, c'est vrai qu'il a. Bah, il était dans une famille un petit peu pauvre, ils avaient pas de glace. Alors, sa maman lui disait, suce dans l'orteil. Pauvre coco. Qui arrive à toucher ses orteils encore maintenant, honnêtement? Ouais, non, moi, j'y arrive pas. Ma prof de danse, elle m'a dit que j'avais des jambes trop longues et un torse trop petit. C'est nul. C'est quoi ce corps? L'excuse. C'est horrible, c'est pas gentil. Non, mais là, toi, avec ton corps, je t'explique. Tu n'arriveras à rien en danse. Tu es grotesque. Oh, 8 personnes sur 10 chantent dans la voiture. 5 personnes sur 10 chantent sous la douche. Mais où chante une personne sur 10? D'après vous? Aux toilettes? C'est pas aux toilettes. C'est un truc au travail ou pas du tout? Ça peut être au travail, mais pas forcément. D'accord. Ça peut être à la maison aussi. Ça, non, pas à la maison. Ah. C'est pas dans la maison, non. Mais c'est en plein air Sauf si t'as une maison assez incroyable. Ouais. D'accord. C'est pas en plein air, non? Non, c'est pas en plein air. Dans un parking? Avec l'écho et tout? Ça peut être dans un parking, mais c'est quelque chose qui est dans un parking ou quelque chose qui est dans un endroit de travail ou quelque chose qui est chez toi si t'as une maison assez incroyable. Dans l'ascenseur? Dans l'ascenseur. Ah ouais. Ah, mais absolument. Une personne sur 10 chante dans l'ascenseur. Bah oui, quand t'es seul, quoi. Par exemple, à Énergie, moi ça arrive souvent, je chante et la porte s'ouvre et là c'est la gêne. Ce que je garderai, c'est quand je suis seul, c'est bien. Tant que tu t'entraînes pas dans l'ascenseur, essaie de toucher tes pieds en même temps. Pour 49% des femmes, soit quasiment une femme sur deux, c'est la chose la plus énervante que fait leur partenaire à la maison. Qu'est-ce que c'est d'après vous, Isa? Laisser traîner ses chaussettes par terre. Ce n'est pas ça. Des petits proutes dans le lit? Oh, oh non. Mec. Non, mais toi, tu choques tout le monde. Évidemment que c'est pas énervant, non. Ça. Paulette. Pas ouvrir le courrier? C'est pas ça. C'est un truc que tu fais à la partenaire ou pas du tout? Non, t'as pas besoin d'elle. Non, tu le fais seul. Tu rinces pas la baignoire? Non. C'est dans la cuisine? C'est dans la cuisine. Oui, absolument. Tu manges, mais avec les doigts? Avec les doigts, non. Tu laisses le frigo ouvert? Non, alors ça, c'est bon parce que ça a un rapport avec le frigo, c'est pas manger, mais c'est. C'est peut-être quand tu refermes pas le bouchon de la bouteille. Ah, ça a un rapport avec la bouteille. Pour une femme sur deux, la chose la plus énervante que fait leur partenaire à la maison, c'est boire directement à la bouteille. C'est égoïste, je trouve. Bah, Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pour pas laver le verre que vous allez utiliser. C'est la flemme jusqu'au bout, quoi. Dans l'absolu, oui. Après, tu l'embrasses, ton mec. Bah oui. Bah la bouteille c'est pareil. Ouais c'est vrai. Bah quoi? Non mais ce serait une bouteille que tu sers après aux invités. Là je dis pas c'est crade. Mais sinon si c'est ta bouteille et qu'elle est chez toi et tout, tu le vois. Et puis ça va, c'est une bouteille de jus d'orange, c'est pas du vin quoi. Ah oui. Mais ton mec il embrasse pas tout le monde. Donc dès que t'invites des gens, tu leur dis bon bah voilà, mon mec il a bu dans la même bouteille que toi. C'est dégueu. Non. Ouais je sais pas. C'est moi quand je suis à foot avec des potes, on boit tous à la bouteille. Ouais. Allez quoi, on est tranquille, on est bien, on est peinard. Et alors bon, après on prend des douches aussi ensemble quand on fait un foot. Oui c'est vrai aussi. Je fais pas ça quand je vais chez toi. Non. Ok, ça marche. Vous savez quoi, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On fait souvent le centre d'accueil des hommes où oui. les hommes expliquent pourquoi ils se sont fait gronder. Et on avait fait une fois le centre des plaintes des femmes. Ouais. Ah oui. Allons-y. Qu'est-ce que fait votre mec qui vous énerve? C'est quoi même? On élargit. À tous les hommes en général. Ouais. Faites-vous plaisir les filles. Ah. Qu'est-ce qui vous énerve quand on le fait? On va voilà. se défiler, ça va être bon. Ouais, on va prendre cher. Donc. Ouais. Oui. C'est bien. Ouais. On se prépare. Voilà, c'est la bouteille, c'est n'importe quoi. C'est okay. les poils dans la baignoire, c'est dans la douche. Vous en avez marre T'inquiète. De nous. Vous aimeriez que, par exemple, la moitié de l'année, on disparaisse de la planète. Eh ben, dites-nous pourquoi. Okay. 0-870-42-48. On vous prend un téléphone sans filtre, juste après DJ Snake, on va s'en prendre plein la gueule. Allez. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va a él, va. Oh, oh, oh, oh. I'm music, I'm flows. Bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ay. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Could keep it tight every day. And I know you need a taste. And I, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but I don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Bienvenue sur Énergie, il est 6h50, on va s'écouter Kaiser Panda, il y aura aussi Big Flo et Oli. Et tout de suite, attention, Nico, Glandu, ouais. on va s'en prendre plein la gueule. Ouais. 0-870-42-48, nous ouvrons le centre des plaintes des femmes. Vous voulez vous plaindre de ce qu'on fait? Je vous rappelle que pour une femme sur deux, ce qui est énervant chez leur partenaire à la maison en pole position, c'est boire directement à la bouteille. Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve chez les hommes? Allez, on y va. Elodie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Vas-y, je tends ma joue, vas-y, frappe. Alors, moi, ce qui m'énerve, c'est par pitié, arrêtez de nous répondre avec un simple OK quand on vous a envoyé un pavé par SMS. Ah ouais. Oh. Alors, c'est vrai, c'est quelque chose que je fais très souvent. Ouais. Quand on me raconte un truc, ben, je réponds OK. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien d'autre à répondre. Ouais. Mais je pourrais aussi te renvoyer la balle, Elodie. Pourquoi t'as écrit un pavé alors qu'il suffisait juste de dire un truc très court? Non. Mais si. Si. Mais si. Et puis, si vous vraiment voulez discuter, moi, ça arrive souvent avec ma femme, bah, appelez-nous, quoi. C'est ce que je lui dis. Je fais, mais appelle-moi plutôt que de m'écrire plein de SMS hyper longs. Mais après, oui, bah, là, vous êtes en train de retourner le truc, quoi. C'est dingue, c'est la mauvaise foi. Oui, c'est un truc de maths, c'est à vous, là, qu'on dit qu'on en a marre et vous retournez l'histoire. Mais je vous ai, on vous explique pourquoi on répond que OK. Ouais. Parce que des fois, vous racontez les trucs, vous racontez les trucs, vous racontez les trucs. Ben, c'est OK. Ouais. D'accord. D'accord. Vous avez même la flemme de faire une phrase sujet, verbe, complément. Mais, non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis OK? Ouais. Je suis d'accord. Non, je vais OK. En fait, vous êtes jalouse de notre sens de la synthèse. Nous, on sait être efficace. On perd pas de temps, on a d'autres choses à gérer. Mais c'est comme les fringues. Nous, on achète un pantalon, vous en achetez 4. Ouais. C'est pareil pour les SMS. Oh, la comparaison. Ouais, je suis pas sûr de mon truc. T'aurais dû dire OK, là, tu vois. Merci, Elodie, de nous avoir appelé. Laetitia, bonjour. Salut, salut. Vas-y, frappe là où ça fait mal. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous prendre pour un GPS quand nous conduisons. C'est plus possible. Freine à droite, ralenti, double lieu. Horrible. Alors, je comprends que ça puisse être énervant, mais comprenez que quand vous roulez et vous dites « Ah, c'était là à droite ah !» ouais. C'est chiant pour nous. Non. À part si vous êtes bien prof... content qu'on conduise. Hein. Mais oui, à part si vous êtes prof d'auto-école, à la limite, si tu sors avec un prof d'auto-école, bon là, il peut se permettre de te faire une petite réflexion. Mais là, non, c'est abusé, c'est chiant, ça fait perdre du temps. Mais j'avoue que moi, tu vois, j'aime ma femme, mais je suis toujours inquiet, quoi, parce que je la sens pas justement prête à se dire, ok, tu sais qu'on doit tourner là. Mais oui, et on la va confiance. Mais non, mais non. Oui, mais moi, mon ex aussi, elle était comme ça. Mais dès qu'il y avait un parking, elle paniquait. Ça me met pas en confiance. Ouais, c'est vrai. Elle me dit, j'y arriverai jamais. Putain! Et bah rassure-la au lieu de lui dire bah non, t'y arriveras pas. Mais ouais! Oui, mais moi je veux d'abord me rassurer moi! Parce qu'elle me dit j'y arrive pas, excuse-moi, si t'envoies pas un message très feel good! Hein. C'est ça, c'est vrai! J'y arriverai pas à passer ce pont, putain, mais je descends! Ouais, c'est vrai! Tu vois, c'est voilà! Et quand elle y arrive pas, en plus c'est de ta faute quoi! C'est ah bah là t'aurais dû me le dire, bah non, attends, on peut pas être partout non plus! Non, mais c'est ça le truc! Mais vous, c'est bon, elle a le permis, hein! Tout va bien quoi! Et bah je sais quoi, j'ai mené une enquête! Oh, t'es dégueulasse! Merci Laetitia de nous avoir appelé! Clotilde, bonjour. Salut Manu, salut les moments. Allez Clotilde, vas-y, défoule-toi, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait de mal encore? Nous, c'est toujours nous qui faisons mal. Qu'est-ce qu'il y a? Mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre la vaisselle dans l'évier quand il y a le lave-vaisselle qui a 10 cm. Ah mais oui. Ouais, là c'est vrai. Bon, là j'avoue. Là j'avoue, c'est purement la flemme. C'est bien Manu. Je pose l'assiette dans l'évier en me disant, je la mettrai plus tard dans le lave-vaisselle. Ouais, c'est ça. Voilà Clotilde. C'est bien d'avouer. Faut t'avouer à moitié pardonner, c'est ça? Voilà, ouais. Faut t'avouer à moitié pardonner. Tu peux la mettre dans le lave-vaisselle maintenant? Oh là là. Bon, merci de nous avoir appelé Clotilde. Belle journée à toi. Gros bisous. 6h53. Vous savez quoi? On va se calmer. Parce que même si on s'énerve tous les uns les autres quelque part, on est fait pour danser les slow. Oh, c'est beau ça. Dis donc. Non, c'est une transition de merde. Oh, dommage, j'y ai cru moi. Lady Gaga et Bradley Cooper sur NRJ. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hard? I'm falling.

Énergie. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h01 qu'on amène le coq. Il est 7h01, mais j'ai l'impression qu'on a complètement oublié de dire au soleil qu'il fallait se lever aujourd'hui. Ça y est, nous rentrons dans l'hiver, les amis. Soyez les bienvenus parmi nous. On va doubler votre salaire. C'est juste après les infos. On va écouter Big Flo et Oli. Soyez les bienvenus dans un monde d'amour qui vous veut du bien. Mais si quelqu'un peut quand même allumer la lumière, ce serait cool. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du brouillard partout presque ce matin, soyez prudents sur la route. Cet après-midi, ce sera agréable sur l'ensemble des régions. Pas mal de nuages sur l'Occitanie, c'est vrai, mais de belles éclaircies dans la moitié nord et du soleil assez généreux pour le sud. La fin de semaine se présente bien également. Les températures assez douces avant de chuter ce week-end. Cet après-midi, il fera 12 degrés à Sedan, 16 au Mans, 19 à Toulon. La colère des gilets jaunes, le mouvement de samedi s'annonce massif contre l'augmentation des prix à la pompe. Et une chose est sûre, le gouvernement ne tolérera aucun blocage total aux abords des villes. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier. Ce matin, le gouvernement dévoilera en tout cas une série de mesures pour permettre aux conducteurs de mieux digérer cette flambée des tarifs de l'essence. On parle notamment d'une possible extension du nombre de bénéficiaires du chèque énergie ou encore d'un meilleur accompagnement des Français dans la transition écologique. L'actu également, la grève des profs lundi n'a rien changé. Le budget de l'éducation nationale a bel et bien été votée hier à l'Assemblée. Un budget contrasté avec plus de moyens, c'est vrai, mais aussi plus de suppression de postes au collège et au lycée comme prévu. Le ministre compte sur les heures sup pour conserver la même qualité d'enseignement. L'inquiétude aux États-Unis maintenant. Déjà plus de 6 jours de lutte pour les pompiers face aux flammes. Des flammes qui ravagent une partie de la végétation en Californie. Plus de 6500 habitations au total sont parties en fumée et le bilan humain est dramatique avec 44 morts et de nombreux blessés. On passe au sport maintenant. Un entraînement et beaucoup de sourires au menu des Bleus hier. Ça se passait du côté de Clairefontaine. Et l'équipe de France y prépare son match de Ligue des Nations. C'est vendredi aux Pays-Bas. Ferland Mendy a chaussé pour la première fois les crampons avec le maillot 2 étoiles sur les épaules. Le défenseur lyonnais a été appelé pour remplacer Benjamin Mendy blessé. On parle aussi un petit peu de tennis avec un forfait, un nouveau forfait pour l'équipe de France de Coupe Davis. La finale aura lieu dans 10 jours à Lille face à la Croatie. Cette fois, c'est Richard Gasquet qui a été contraint d'abandonner. Il est blessé. Les trois lettres, GOT pour Game of Thrones. Le retour de la série événement est enfin programmé. Rendez-vous en avril 2019 pour découvrir la 8e et dernière saison. 6 épisodes au total, diffusés en simultané à la télé américaine et chez nous sur OCS. On saura donc enfin qui aura le droit de s'asseoir sur le trône de fer après de nombreuses batailles, des alliances et aussi beaucoup de trahisons. Le trailer dévoilé hier donne des frissons. 5 préquels au total sont déjà en cours de production pour prolonger le plaisir. Allez, la tête pleine de rêves, Head Full of Dreams, le titre du documentaire sur Coldplay projeté aujourd'hui au cinéma. Les caméras ont suivi Chris Martin et ses potes pendant plus de 20 ans, plongée inédite dans l'intimité du groupe. Possible aussi sur la plateforme Amazon Prime Video à partir de vendredi. C'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne journée sur Énergie. On est de retour avec vous comme chaque matin pour démarrer la journée. Les moins du matin sont là. Il y a Isabelle. Salut. Il y a Nico. Ouais. Il y a Paulette. Il y a Glandu. What else? Oh non. What else? T'as dit what else? Ouais, c'est ça. Tu t'es pris pour Georges Clooney? Ah, j'aimerais bien. J'adore Georges. Ouais, non, il est beau, il est classe, il a tout quoi. Oui, bah, comme tout le monde en fait, tu trouves que Georges Clooney est classe quoi. Il a une belle voix aussi. Ouais, ouais. Mais alors le what else c'est très raté. Hein. What else? Non, alors. What else? C'est quoi? Dis quoi de neuf? Quoi de neuf? Ouais, c'est bien. Ah ouais. Big Flo et Oli arrivent dans 2 minutes. Mais avant ça, les amis, il est 7h05, vite, on double notre salaire. Dis donc. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire et c'est gratuit, je vous le rappelle. Énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. Ça marche aussi. C'est ce qu'a fait Alison. Elle habite Changé, c'est en Mayenne. Elle a 35 ans et elle touche 1000 euros tout pile par mois. Alison, on t'appelle pour te doubler ton salaire. C'est parti. Changé en Mayenne, lève-toi. Et Alison décroche le téléphone. Allô, Alison ? Oui. Bonjour Alison, je t'appelle pour te poser une question. Oui. Quel est le seul animateur radio qui loupe ton salaire, Alison? C'est Roxymane de Réveil. C'est ça. Et voilà. Oh, c'est génial. Bah oui, c'est génial, Alison. On est là pour ça. Ah, oh, super. 1000 euros, c'est ton salaire, fois 2. Ouais, alors, c'est 1000... ça, c'est ça. Attends, 1000 fois 2, faut que je pose. Ça va faire 2000 euros pour toi, Alison. 2000 euros qui arrivent très vite. Ah, oh, génial. Tu fais un beau métier. Oui, merci, merci beaucoup. Ouais. Je t'en prie. Agent animalier. Exactement, agent animalier à la SPA. Oh, c'est classe. Classe. Oh, c'est ça, c'est pas à la SPA. Confondons pas un SPA et la SPA. Non, non, non, non. Non, non. C'est bien à la SPA. Et tu fais quoi là-bas? Je m'occupe en fait des animaux, des soins des animaux et en fait tout ce qui concerne comme une assistante vétérinaire. Je m'occupe de leurs soins, on lave les box, on sort que voilà, ils ont de la vie quoi. Tu t'occupes de qu'il soit bien, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout à fait ça. Alison, on te double ton salaire. 2000 euros, ça arrive très vite pour toi. Génial, on t'embrasse fort. Merci, merci, super, merci. Merci gros Manu, bisous merci à toi. 7h07. Merci, Manu. Oh, dis donc, c'est inquiétant. Mais attends, qui vient de se lever, là. D'accord, mmh. Oui, parce que là, si t'étais déjà au travail, un chien qui parle. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est. Elle a les poils longs, mais c'est ma fille. D'accord. Ah ben d'accord. Alison, l'important c'est que tu confondes jamais un chien et ta fille. Voilà. Ne lui apprends pas à faire pipi sur les lampadaires. Ça peut vous arriver vous aussi d'avoir votre salaire doublé. C'est simple, il suffit de vous inscrire. Energy.fr, Manu dans le 69.com. Big Flo et Oli tout de suite sur Energy. Soyez les bienvenus, on démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 69 avec vous, comme chaque jour. Big Flo et Oli, tu connais non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien. T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Arrive dans un instant. Kaiser Panda. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Mais avant ça, attention, j'ai une bonne question à vous poser. Ouais. J'en ai même plusieurs. Ah. Un sondage a posé cette question. Que feriez-vous pour 10 000 euros, 1 000 euros ou la moitié du prix d'une télé? Ou alors, vous le feriez pour rien du tout. D'accord. Écoutez, avoir un rhume pendant un an. Ouf. On vous dit, vous avez un rhume pendant un an. Vous le faites pour 10 000 euros, pour 1 000 euros ou pour la moitié du prix d'une télé? Mais un petit rhume, genre où t'es pas cloué au lit, quoi. Ouais, mais tu te mouches pendant un an. Hein. 1 000 euros. Jours, hein. Ouais, 1 000, tous les jours, tu te mouches. Hein. Ouais, 1 000 euros. 1 000 euros, ok. Moi, 10 000. 10 000 euros. Ouais. Un an de rhume quand même. Non, mais tu peux t'acheter les sapes que tu veux, les affaires que tu veux tout le temps. Par contre, bon, bah, tu te mouches un peu. Ouais, mais tu te mouches tellement qu'à un moment, tes sapes, ça te sert le mouchoir. Oh. Écoutez bien. Devenir aveugle pendant un mois. Bah. Pour combien vous le feriez? Pendant un mois, vous ne le voyez plus, vous vivez comme une personne aveugle. Pour 10 000 euros, 1 000 euros ou la moitié du prix d'une télé? Moi, je le ferais pour 10 000 parce que je pense qu'après, t'apprécies vraiment, quoi. Tu retrouves un truc. Je pense que je le ferais même moi. Même pour pas grand chose en fait. Pour la moitié du prix du télé. Pour me rendre compte. Ouais. C'est vraiment galère. Moi ça me manquerait trop, tu vois, de voir ma femme tous les jours, de voir mes amis, de voir le monde. Ah non, mais moi c'est pour ça justement que je voudrais le faire. D'accord, ok. Vivre seul sur une île déserte pendant une semaine. Vous le feriez pour 10 000 euros, pour 1 000 euros, pour la moitié du prix d'une télé? Pour 1 000 euros. 1000 euros seul sur l'île des arts pendant une semaine? Ah, mais grave! Je rajoute 1000, tu fais deux semaines? Pour combien vous passez un an en prison? 10 000 euros, 1000 euros ou la moitié du prix d'une télé? Un an en prison? Bah, 10 000, parce que c'est un peu contraignant quand même. Ah bah, ouais. Non? Bah, je sais pas, la prison, je crois pas que ce soit Club Med. Vous pouvez dire, je le ferai pas. Hein, non, oui, je le ferai pas aussi. Un an en prison? Ah, pour 10 000, je le ferais, moi, je pense. T'es logé, t'es nourri. Oh non. Après, t'es un peu enfermé. Non, mais je pense que j'essaierai, c'est une expérience. Tu réfléchis sur la vie, je pense, et tu ressors changé. Tu seras un autre homme. Hein. Un an, plus riche. Un an, c'est long. Ah oui, c'est long, un an. Oui, puis t'es avec des gens qui ont fait des trucs pas cool. Enfin, tu vois, tu fais pas vraiment des super potes. Je veux une cellule tout seul, moi. Ah bah non. Attends, pas de douche, en baignoire. Et puis, attendez, je veux pas genre la TNT par parabole gratuite. Hein. Moi, je veux le bouquet Canal Sat. Hein. Et puis, pour internet, je vous explique que c'est la fibre. Hein. Attendez, sinon, je viens pas dans votre prison. C'est win-win. Hein. Merci, Glandu. Kaiser Panda arrive dans 3 minutes sur Énergie. C'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui appelle aujourd'hui quelqu'un pour lui dire qu'il parle trop. Et la personne répond en parlant trop. A tout de suite sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Talin, talin, talin. Sur Énergie. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth, the truth. By the blood of my head, won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear, gonna make it. I'm gonna make it! Sorelsan. Basique, simple. J'ai deux passions dans la vie, le rap et Manu. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et si vous, votre passion c'est Orelsan, si bah, vous êtes forcément au courant, c'est qu'il a annoncé comme ça par surprise, c'est demain que sort un nouvel album de 11 titres inédits. Ah, incroyable. C'était pas prévu, c'était pas annoncé, bon, il a dit bon bah tiens demain, album avec 11 titres. Il y en a qui sont productifs, hein. C'est pas nous. Orelsan en album a été plus productif que nous en 8 ans, pour te dire. C'est parti pour Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, c'est nous qui l'avons. Il s'appelle Georges et il appelle tous les jours des gens. Aujourd'hui, il appelle quelqu'un pour lui dire qu'il parle trop. Ah. Et la personne va lui répondre en parlant trop. Aïe. Oui, allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Oui, bonjour. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous parlez trop. Comment ? Vous êtes trop bavard. Trop bavard ? N'importe quoi, ça. Vous êtes un moulin à paroles. Alors celui qui vous a donné le renseignement, vous lui retournez le compliment, entre guillemets, voilà. Vous êtes une pipelette, essayez de ne plus rien dire. Mais moi, je ne vous réponds pas qu'on me traite de pipelette, je n'accepte pas, monsieur, je suis désolé. Le silence est d'or. Mais oui, ben moi je ne parle pas beaucoup. Bla bla bla. Je vous réponds pas, voilà. Merci, hein. Au revoir, monsieur. Pour qui je prête, moi je m'en fous. Non mais c'est quoi ça? Tu regardes le truc, hein. Oui, mais André, c'était peut-être un sondage. Non. Le traite de pipette, qui c'est qui veut? Non, mais peut-être qu'il veut. Non, mais c'est quoi ces gens-là? Ils vont te faire parler pour bla, faire bla, quoi bla bla bla bla bla bla bla. Comment? Ça ne nous intéresse pas. Écoutez, j'arrête, hein. L'appel automatique de Georges, Manu dans le 6-9. Il est tombé sur la bonne personne. Ah ouais, oui. Les appels automatiques de Georges, vous les retrouvez aussi en podcast énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. Kaiser Panda tout de suite. Et juste après, on va faire quelque chose de très simple. Oui. Vous nous appelez au 0870 42 48. Vous nous dites qui vous êtes, où vous êtes et pourquoi vous êtes heureux. Ouais. Oh. Qui vous êtes, okay, où bien. Vous êtes, au moment où vous nous appelez et pourquoi là vous êtes heureux. Ouais. 0870 42 48, c'est notre numéro de téléphone et je vous rappelle que c'est gratuit. Je vous prends au téléphone juste après Kaiser Panda. Bon réveil. Fiesta DJ llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mulher y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el palpé, de noche me floco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente me echa, Bogotá va a rumbear y Bogotá va a danzar. Hemos llegado todos a Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente me echa, la gente quiere fiesta. que este rumba ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper la frontera con un olé. Yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueva. Con la mano para arriba. Yeah. Siente el ritmo, mamita. Yeah. Preguntaré a la gente. El ambiente está caliente. Yeah. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Que lo ve. Un, dos, tres, go. Que lo ve. La Hindi Mashup. Bienvenue sur Énergie, il est 7h22. 0 870 42 48. Je vous ai demandé de nous appeler pour un truc très simple. Vous nous appelez, vous nous dites qui vous êtes, où vous êtes en ce moment et pourquoi là vous êtes heureux. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. On a Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour Manu. Où est-ce que t'es Ludivine? Alors là je suis chez moi, je vais pas tarder à partir travailler. Et pourquoi t'es heureuse là maintenant? Parce que j'ai eu le lit pour moi toute seule cette nuit. Oh ah, génial. Toi aussi ouais. Tu t'es séparée? Non, moi, il est parti en formation. C'est pareil. Non, ne commence pas. Ouais. Et c'est bon d'avoir le lit pour toi toute seule. Hein. Honnêtement, ouais. Ah, je comprends. Non, alors, je me suis séparé cet été. Ouais, ouais. J'avoue que des fois, c'est pas évident, mais il y a des fois, le soir, par exemple, quand t'es seul dans le lit. Ouais. Oh. Non, mais ouais. Ça te manque pas d'avoir une petite présence, et même si tu dors dos à dos, quoi, tu sais qu'elle est là, quoi. Non. Que l'autre non. Ouais. Non, vraiment sur le coup de la... De... Non, sur la nuit, vraiment, je. Sérieux. Ah, j'apprécie être seul. Ah, j'aime dormir à deux. Oh. C'est bon quand c'est exceptionnel, mais au bout d'un moment, maintenant, tu vas voir. Non, c'est exceptionnel. Oui. Hein. Merci de nous avoir appelé, Ludivine. Jennifer, bonjour. Salut, Manu. Jennifer, où est-ce que t'es en ce moment? Là, je suis bloquée dans mon lit encore. Ah, bloquée dans ton lit, il y a quelqu'un qui te retient? Non, blottie. Ah, blottie. Ah. Tu fais partie des gens qui mettent le réveil beaucoup en avance pour prendre son temps pour se lever. C'est ça. Moi aussi, je fais ça, mais le problème, c'est que si je fais ça, moi, je me rendors. Pourquoi? Il y a des risques souvent. Et à part être blottie dans ton lit, pourquoi es-tu heureuse? Parce que j'ai gagné 30 euros au jeu de grattage. Pas mal. Ah, ouais, c'est trop bien. Stylé. Oh, c'est ouais. Bien ça. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je pense que je vais faire un petit cadeau à mes garçons. Oh, oh cool. Trop sympa. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est mignon. J'aurais... Oui. Non, alors j'aurais pas du tout pensé. Merci de nous avoir appelé, Jennifer. Clément, bonjour. Salut Manu. Clément, où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis actuellement en train de boire un café sur mon balcon chez moi. Oh, classe. Oh, classe. Classe. Ah ouais, classe. Je suis sur mon balcon en peignoir. Exactement. Je caresse la tête de mon guépard. Et pourquoi es-tu heureux, Clément? Parce que j'ai eu mon permis vendredi. Ah oui. Mais quand t'as ton permis, on est d'accord que il y a un avant et un après, Clément. Ah mais c'est ça hein. Mais oui. Putain, cette période elle est géniale. Même si la boulangerie elle est 30 mètres de chez toi, tu prends la bagnole. Mais évidemment. Je vais acheter le pain 3 fois par jour. Ce qui arrive, c'est que dès que t'as une bagnole, dès que t'as ton permis, d'un coup tu te dis mais le nombre d'occasions que j'ai pour les voitures. Ouais, c'est vrai. Pour tout et n'importe quoi. T'as envie de faire Sam pour tes potes le week-end quoi. C'est vrai. Tu au dis, début okay, c'est moi. Ouais après c'est chiant. Le taxi c'est chiant. Au début t'es hyper content de ramener tout le monde ouais. Et après tu ouais bon à un moment. Je suis le pigeon du groupe ou quoi? C'est ça. Et ça te fait beaucoup de peine quand tu dis bon ce soir je ramène personne. Non mais il n'y a pas de soirée ce soir alors. Oh merde. Merci de nous avoir appelé Clément. Belle journée à toi. Morgane bonjour. Salut Manu. Morgane où es-tu? Là au moment où tu nous parles. Alors je suis dans ma cuisine en train de prendre mon petit déjeuner. Et qu'est-ce que tu manges? Je mange un petit gâteau avec un café. Ah un, oui. Petit gâteau, mmh. Un petit gâteau ou un gâteau en entier? Un gros gâteau. Un gros gâteau, on est d'accord. Et pourquoi es-tu heureuse, là maintenant? Alors là maintenant, je suis heureuse parce que je me suis fiancée récemment avec mon amoureux. Oh, oh, c'est trop bien. Trop bien. Ouais, mais t'as pas eu ton permis.

Énergie. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Dans 10 minutes, on joue ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix. On va écouter Kaigo et les infos, c'est maintenant. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Beaucoup de brouillard au réveil ce mercredi, c'est dangereux sur la route, soyez vigilants. Sinon le ciel va se dégager cet après-midi avec beaucoup de soleil au sud et de belles éclaircies au nord. La tendance restera nuageuse quand même, principalement sur l'Occitanie. Les températures sont stables et douces, ça va chuter par contre ce week-end. En attendant, au max, on aura encore 12 degrés aujourd'hui à Montbéliard, 13 à Brest, jusqu'à 18 à Montauban. Le jaune à l'honneur samedi, jaune comme la couleur des gilets que l'on retrouve sur de nombreux tableaux de bord en ce moment, symbole du mouvement contre l'augmentation des prix de l'essence. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé hier, aucun blocage total ne sera toléré ce week-end. Le gouvernement dévoilera ce matin une série de mesures pour accompagner les Français dans la transition écologique. Le chèque énergie par exemple, il pourrait être étendu à un plus grand nombre de bénéficiaires. La Californie en partie ravagée par les flammes, l'un des feux les plus dramatiques de l'histoire est en train donc de ravager une partie de cet état de la côte ouest américaine. Déjà 6 jours de lutte pour les pompiers exténués, 44 personnes ont été tuées, plus de 6500 maisons sont aussi parties en fumée. Le Brexit, il aura fallu 2 ans, mais en principe, les négociateurs européens et britanniques se sont mis d'accord hier sur un projet de divorce à l'amiable. Le texte maintenant doit être approuvé par les ministres britanniques et par le Parlement de Bruxelles pour entrer en application. Qu'on soit doué ou pas, c'est toujours un stress, c'est vrai, de changer de smartphone et notamment de marque. D'ailleurs, certains fabricants rendent parfois les choses très difficiles. L'autorité de régulation, l'ARCEP, publie donc aujourd'hui une liste de conseils, de trucs et astuces pour conserver ses données, conserver aussi ses contacts, ses vidéos, en basculant d'un téléphone à un autre. Rendez-vous donc dans la matinée sur arcep.fr. Ce qui ne la tue pas la rend plus forte. Après avoir joué la reine d'Angleterre dans The Crown, cette fois Claire Foy incarne une autre femme de poigne à l'écran dans le nouveau volet de Millennium. Au ciné cette semaine, on la retrouve dans la peau de Lisbeth Salander, une aqueuse de choc, un personnage complexe pour l'actrice britannique. I think it's a really interesting concept to think of Lisbeth post C'est intéressant de se focaliser sur Lisbeth Salander après la trilogie Millennium. On voit ainsi comment elle a dû se battre plus jeune pour devenir indépendante. Elle a dû affronter son père pour se délivrer de son emprise. Dans ce film, on la retrouve à la moitié de sa vie. On va découvrir ce qu'elle a dû cacher depuis son enfance et pourquoi elle l'a fait, pourquoi elle est toujours en fuite. C'est une femme pleine de névroses. Si elle veut aller de l'avant, elle n'a pas d'autre choix que de se replonger dans son passé. She can't go forward without going back, really. Ouais, interview signé Bertrand L'Aiguillon. Autre sortie du jour au cinéma, Les Animaux Fantastiques 2, un film tiré du monde des sorciers de J.K. Rowling. 7h34, c'est la fin de ce flash. Mercredi 14 novembre, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonne journée. On vous offre la console de jeux vidéo de votre choix. Il suffit de nous appeler au 0870 42 48. On va jouer juste avec Kaigo et Imagine Dragons. Pour nous parler, il y a aussi l'application. L'application Manu dans le 6-9, elle est gratuite. Il y a une mise à jour qui a été faite. Télécharger la mise à jour. Ça enlève plein de bugs, ça enlève plein de soucis, ça enlève plein de problèmes et ça rallonge la vie. Super Manu, on te croit là, tu sais. On est à fond. J'ai pas fini ma phrase. Peut-être. Voilà. Et grâce à l'application Manu dans le 6-9, vous pouvez nous envoyer des messages. C'est vrai que c'est pas évident de nous appeler, c'est pas évident d'y penser, etc. C'est très simple, l'application. Vous avez une petite icône d'un micro, vous appuyez dessus, vous parlez, vous relâchez, vous envoyez. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut en écouter quelques-uns, c'est parti, les messages que vous nous avez envoyés. Ouah Manu, j'ai vu la bataille de Polochon, tu t'es fait défoncer. Vive Soprano et les Marseillais! Tu m'étonnes qu'il est content et qu'il dit vive Soprano et les Marseillais, parce qu'on a mis une vidéo qu'on a tournée au Energy Music Awards, c'était le week-end dernier. C'était un défi qu'on s'était lancé. Après la bataille de Nerf, les pistolets Nerf qu'on avait faites avec Soprano, on a fait une bataille de Polochon. On s'est fait dégommer. C'était horrible. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y. Elle est sur manudansle69.com, elle est aussi sur notre page Facebook. Vous pouvez pas la louper, on a épinglé tout en haut. On s'est fait rétamer. Ouais, autant pour les Nerf, on pouvait prétendre à la victoire. Oui. Autant là. Il n'y a pas moyen. C'est-à-dire qu'ils étaient 5, nous on était, honnêtement, on était 2,5. Ouais, c'est vrai. Dès les premières secondes, Isa et Paulette sont allés se planquer derrière un rideau. Ouais. Nico, je ne sais pas comment il a réussi, il est rentré sous la table de nuit. Mais oui, non, mais je me suis mis dans le lit parce qu'on m'a piqué mes oreillers aussi. Ouais. J'avais plus d'oreillers, j'avais plus rien. Non, mais c'est pas grave, tu bouges quoi. Tu... Il y avait que Glandu et moi, on s'est fait défoncer. Ouais. Il y avait que toi parce que moi j'avais le reste de mon entorse, du coup j'étais allongé sur le lit, je faisais pas grand chose. Ouais. Et donc t'étais un peu seul. Je voulais à l'équipe quoi. Mais on était pas séparés. C'est quoi ce qui est important, c'est qu'on peut tous compter les uns sur les autres. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est comme dans le film Les yeux dans les bleus sur les bleus de 98 oui. qui avaient gagné la Coupe du Monde. Ouais. C'est on vit ensemble, on meurt ensemble. Et apparemment, on n'a pas beaucoup vécu là. Allez, d'accord. Non. Un autre message qui est arrivé sur l'application Manu dans le 6-9. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Je démissionnais. Wouhou! Ok. Bon, cool. Allez, encore. Salut les ouin-ouin. Bah, moi, je vous lance un défi. Il faut tous vous raser la barbe pour la semaine prochaine. Gros bisous. Oh, t'as entendu ça? Elle a dit tous. Non, c'est pas ça. Non, mais vous seriez capable de le faire tous les trois? Alors, c'est vrai qu'on a tous une barbe de 3 jours. Ouais. C'est ouais. quoi? Je pense que ça fait, allez, 15 ans ouais. que je me suis pas rasé complètement. Ah ouais, ouais. Ça, ça, je pense, pas ouais. bien. Ouais, moi. Pas bien quoi, tu t'es rasé complètement toi? Ah moi, ouais, je me rase de temps en temps l'été parce qu'il faut, ça fait reposer la peau. Ça fait 1000 ans que je t'ai pas vu sans ta petite barbe. Hein. Moi, c'est comme toi, ça fait 10 ans, je pense. Mais je supporte pas ma tête, on dirait un enfant. Mais exactement, si je me rase complètement, c'est ça, ouais, ça fait enfant quoi. Allez, faites-le, ça repousse vite. Ah non, mais attends, moi je me couperais si je le fais aujourd'hui, je serais incapable de le faire. Allez chez le barbier. Bah oui. C'est bien. J'ai le barbier. Tous les trois chez le barbier. Ouais, c'est agréable le barbier en plus. Allez, essayez quoi. Mettre des bons merci. Allez. Oui. On est quel jour? On est mercredi. Laissez-moi le temps de digérer le truc. Ouais. ouais. Ou alors lundi, on arrive, on n'a plus de barbe. Bah ouais. Oh, ça la surprise. Oh là là. C'est bien. Un non, nouveau on menu. On va peut-être pas se reconnaître quoi. Mais non. C'est drôle. Bonjour monsieur. Ils vont pas nous laisser passer la sécu en bas. vos parents, vous avez une lettre de vos parents? Lundi, bon, okay, lundi. Lundi, on arrive, on est tous rasés de près. Bravo les mecs. Enfin, bravo, c'est pas non plus le truc le plus dingue, c'est qu'on n'est pas pompiers non plus. Hein. On rajoute une cravate, du coup. Non, t'emmerdes pas. Bon, tant pis. Kygo tout de suite sur Energy. Juste après, on joue au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu Les 5 mots. I know I've given up. It's not something to ignore. You take me for we 7h41, bienvenue sur Énergie. On est le 14 novembre, c'est mercredi. Mercredi, c'est le jour des enfants. Attention, vous avez moins de 12 ans. Le standard maintenant vous est réservé. Ma question du jour est très simple. Ouais. Quelle a été votre plus grosse bêtise à l'école? Ou, si vous ne faites pas de bêtises, ce qui peut arriver, vous avez le droit de mentir. Quelle a été la plus grosse bêtise de quelqu'un à laquelle vous avez assisté? Ah ouais, bien. 0870 42 48. Vous nous appelez, on vous prend au téléphone juste après le dernier MHD. Olivia, bienvenue sur Énergie. Salut Manu, salut les Wouah. Salut. Coucou. Olivia, quelle est la console de jeu de tes rêves? La PS4 Pro. La PS4 Pro, Olivia, elle est peut-être pour toi dans une minute. Nous allons jouer ensemble au jeu des 5 mots. Es-tu prête? Ah oui, je suis trop stressée là. Olivia, souffle, respire, poussez madame, poussez. Ouais, tout va bien. Les règles du jeu des 5 mots n'ont pas changé depuis le début. Ouais. Quelqu'un de l'équipe va sortir et Olivia, c'est moi qui vais sortir. Ouais. Oh génial. Ouais, c'est vrai. Allez Manu. Disons que je veux pas m'avancer en disant que je crois que j'ai pas perdu depuis le début de l'année, mais pas loin de ça. Hein. Quoi, si. Une pas fois. Perdre aujourd'hui, hein. Une fois j'ai perdu. Ouais, une non. fois t'as perdu. Oh, si, je m'en rappelle. Oh, attends, il a regarde la Paulette là qui note tes. Mais non, mais attends, t'as pas perdu. Moi. T'as pas perdu. Merci dans Nico. Non, mais dans le cœur, Manu, t'as pas perdu. T'as pas eu des meilleurs. Ça va gagner. Moi, je suis dans la réalité là. Olivia. Les règles sont simples. Oui. Je vais sortir du studio dans quelques secondes. Quand je serai dehors, Isabelle va te donner 5 mots. Après chaque mot, tu lui donnes le premier qui te vient en tête. Ensuite, je reviens. Elle fait pareil avec moi. Et dès qu'on a un mot en commun, il suffit d'un seul mot en commun, c'est gagné. Ok? Ok. Olivia, respire, souffle tranquillement. Oui. Tout va bien. Ouais. On va s'en sortir parce que tout simplement, on est les meilleurs. On joue au jeu des 5 mots. C'est parti, rendez-vous en quelques secondes. Allez, Manu. Allez, Manu est en train de sortir. Il a fermé la porte. Il n'entend plus ce qui se passe. T'es prête? Je suis prête. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Allégé. Light. Sourire. Dent. Gratuit. Payant. Entreprise. Salarié. Pied. Chaussure. Super. Manu revient. Alors, ça y est. Hop. Olivia, comment ça s'est passé? Oh bah, ça va. Ouais, ça va. Oh, je sens bien. Si. Je compte sur toi. Mais non, ça va, franchement, ça c'est va. C'est parti. Tu sais quoi, je plaisante pas sur les consoles de jeux vidéo. La PS4 Pro, c'est important que tu l'aies. Attention, c'est parti. Olivia, on joue au jeu des 5 mots. Allégé. Crème? Non, Olivia avait dit light. Ah oui, ok, d'accord. Ok, bah alors donc faut faire des mots en anglais, d'accord. Ouais, apparemment les règles ont changé. Ok, d'accord, ça marche. Sourire. Dents. Oui. Oh, et en plus, je l'ai dit, mais en me disant, je sais pas quoi dire. Ah bah ouais. Moi non plus. Oh la vache. Moi non plus. Olivia, je suis content. Génial. Oh, il reste. Il restait 3 mots pour le plaisir. Gratuit. Allez. Gratuit. Payant. Oui. Oh, ouais. Alors Olivia, on est dans la place. Entreprise. Entreprise. Société. Non. Olivia avait dit salarié. Ah, ouais. Et sérieux. Et enfin, le dernier, pied. Pied, main. Chaussure. Oula, ouais, 2 mots, on commence, ouais, c'est déjà bien. Pas mal. Ouais. C'est bien, bravo. Génial, merci. Olivia, ça y est, c'est gagné. La PS4 Pro, elle arrive très vite pour toi. Ah, super, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. On t'embrasse très fort, merci à toute l'équipe, merci à moi, oui. Merci Manu. Gros bisous Olivia, ça peut vous arriver vous aussi. Il suffit de nous appeler au 0870 42 48 tous les matins à 7h40. On joue au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix. Dans 3 minutes, juste après MHD, si vous avez moins de 12 ans, on vous prend au téléphone, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. M'intrigue, mais si je pars, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait elle m'attire, comment lui dire. Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi ma bella. See you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance now. I can't move on. Oh my girl, so sexy, the way she dance so sexy. So she give me love sexy. You making me once more sexy, girl. With your sexy body, come and chop my money, yo. Aye aye aye aye. Oh yeah, take all my money, put them for your head. Aye aye aye aye. Make we my head they go, baby girl, so. Make you drop all my money. Aye, aye, aye, aye. Elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Bienvenue sur Énergie, les 7h48 à 8h05. On va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Il y a Georges Ezra qui arrive, on écoutera aussi VG Dream. Mais avant ça, nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Si vous avez moins de 12 ans, je vous ai demandé de nous appeler au 0870 42 48 pour nous raconter la plus grosse bêtise que vous ayez faite à l'école. Ou si vous n'avez pas fait de bêtise, simplement nous dire la plus grosse bêtise que quelqu'un a faite et vous y avez assisté. Ouais. Ouais. On démarre avec Lévi. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est rigolo, parce que c'est mon nom. Ah, c'est bah ouais. Ton prénom, c'est mon nom. C'est rigolo, hein. Ok. Ok, on l'a perdu. Ça le fait, ça fait pas rire. Ouais. Il n'y a rien de plus. Je vais dire un truc. Il n'y a rien de plus humiliant au monde que d'essayer de faire sourire un enfant et que l'enfant vous regarde avec pitié. Lévi, t'es toujours là quand même. T'as pas raccroché au nez. Quoi? Ah, ok. D'accord, donc, il est là. Je veux dire un truc, il n'y a rien de plus émiliant que de parler à un enfant et que l'enfant ne vous réponde même pas. Ouais. Lévi, t'as quel âge? 9 ans. 9 ans. Et quelle est la bêtise, la plus grosse bêtise que tu aies faite ou alors à laquelle tu as assisté? J'ai mordu la maîtresse à l'école. Oula, oula, oula, oula, oula, oula. Ah bon. Oh, tu as mordu la maîtresse. Mais pourquoi tu as mordu la maîtresse? Comment tu as mordu la maîtresse? Parce que tu sais quelque chose, Lévi, on ne mord pas les gens. Pas parce que le travail, il était trop dur. Ah. C'est-à-dire que la maîtresse t'a donné un travail trop dur à faire et tu l'as mordu. Mmh. Mais on fait pas ça, ah ben Lévi. Oh, il se fait fâcher, Coco. T'es Lévi, t'es toujours là. Ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être moi, prof, qui me parle à moi-même. Ouais. Quand j'étais à l'école avec mon nom de famille, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as mordu fort. J'ai mordu son bras. Son bras, mais c'est pas bien, faut pas le faire. Ah ben non, il faut arrêter, parce que imagine là, à l'Assemblée nationale, tu vois. tu mets ça avec des politiques, des trucs, s'ils travaillent trop dur et qu'ils se mordent entre eux, ça risque d'être compliqué. Mais t'as été puni, j'imagine. Oui. Ah, t'as eu quoi comme punition? Ben elle m'a mordu aussi. La guerre. Tu le referas plus, on est d'accord, hein. Oui. Et ma punition, j'ai été viré de l'école. Ah d'accord. Ah oui, donc, ok, d'accord. On a quand même un gros souci là. Ouais, c'est que la morsure devait être un petit peu forte. Un petit peu forte, ouais. Peut-être. Non, mais est-ce que tu as compris la leçon? Oui. Est-ce que tu mordras encore des gens? Non. Très bien, Lévi. C'est bien. Promets-le-moi, je ne mordrai plus jamais les gens. Je ne mordrai plus jamais les gens. Ok. Oh, c'est bien. Ça va. C'est bien. Faut t'avouer à demi pardonner. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Ah. Ouais, je sais pourquoi je fais de la radio et je suis pas prof, hein, moi. Merci de nous avoir appelé. Salomé, bonjour. Salut Manu, salut les Wawa. Salomé, ça m'arrangerait que tu me dises que tu n'as pas mangé ta maîtresse. Quelle est la plus grosse bêtise que t'es faite? J'ai lancé des papiers mouillés dans les toilettes quand il y avait quelqu'un. T'as lancé des bouts de papier mouillé dans les toilettes quand il y avait quelqu'un. Tu veux dire que, si j'ai bien compris, tu arrives dans les toilettes, t'as une feuille de papier, elle, tu la mouilles au lavabo et tu la jettes dans les toilettes alors qu'il y a quelqu'un qui fait pipi, quoi, c'est ça? Ouais. Ok, c'est drôle. Tu sais quoi, Salomé? Salomé, je dis oui. Ouais. Non, c'est pas si drôle que ça. Ah, si, c'est drôle. C'est pas sympa de recevoir du papier mouillé comme ça dans la figure. Moi, je l'ai fait aussi, mais j'étais au lycée, moi, quand j'ai fait ça. Bah, moi, je l'ai fait, j'étais à Énergie. C'est toujours pire que soi. On a chacun des. Voilà, exactement. Il y a toujours pire que soi. Merci de nous avoir appelé, Salomé. Enzo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Énergie, Enzo. Quelle est la plus grosse bêtise que t'es faite à l'école? C'est l'année dernière, j'ai lancé le ballon sur la tête du directeur. Oh, oula. T'as quel âge, Enzo? 10 ans. Futur espoir de l'équipe de France. T'as voulu faire un corner pour qu'il marque un but de la tête. Non, tu l'as pas fait exprès. Un peu. Oulala. Alors, ouais. Mais comment t'as fait pour... Mais tu voulais vraiment... Pourquoi tu voulais lancer le ballon sur la tête du directeur? Parce qu'il m'énerve. Oh là. Ah oui. Non mais les mecs, c'est pas... faut que je te présente Lévi. Hein, c'est comme tous les deux, mais c'est pas possible. On ne lance pas de ballon sur la tête du directeur, Enzo. Oui. Bah oui. Ouais, mais après tu lui dis j'ai pas fait exprès. Tu peux avoir cette excuse, tu vois. Mais ça ne marche pas. C'est pas bon, raté, ça. Mais c'est pas possible. Tu t'es excusé quand même auprès de lui, Enzo? Oui. C'est bien. Je les imagine tous les trois là dans la même école. Ah non. Une qui lance des boulettes de papier, l'autre qui jette des trucs sur. Imagine, c'est le même directeur quoi. Lui qui en peut plus. Il revient chez lui à la fin de la journée. Ah, je veux pas. Je veux faire autre chose. C'est compliqué. Hein. Enzo, répète après moi. Je ne lancerai plus de ballon sur la tête du directeur. Je ne lancerai plus de ballon sur la tête du directeur. Merci Enzo. Ouais, okay, c'est bien. Merci de nous avoir appelé. Honnêtement, franchement, vous nous faites peur parfois. On souhaite une belle journée, Enzo. Merci. Ciao, 7h53. Jean Gézera tout de suite pour vous. À 8h05, on va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. Soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. 7h56, bienvenue sur Énergie. Ramenez la coupe à la maison.

Alice, qui fait ses courses dans un magasin U, discute avec le directeur du magasin. Pour terminer votre plein d'économie, passez à la station-service. À la station-service ? Eh oui, faites le plein d'économie. Jusqu'au 17 novembre, nos carburants sont à prix coûtant. Oui, nos carburants à prix coûtant. Elle, au comble de la joie. Mon plein à prix coûtant ? Oh, je suis trop contente. Je n'aurais pas dit mieux. Hors carburant GPLC et E85, voir conditions et liste des magasins participants sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Tout le monde connaît son nom. C'est Bumblebee. Bumblebee. Bumblebee Transformers. Ou presque. Bumblebee. Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee. Non, Bumblebee. Bumblebee. Le robot le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Bumblebee. Voilà Bumblebee, le 26 décembre au cinéma. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h01 qu'on amène le coq. Et qu'on le fasse chanter. Parce que. Il sait faire que ça. Dans même pas 10 minutes, c'est les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vais vous raconter trois histoires surréalistes qui sont arrivées. On va écouter VG Dream et les infos, c'est maintenant. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du brouillard partout presque ce matin, soyez prudents sur la route. Cet après-midi, ce sera agréable sur l'ensemble des régions. Pas mal de nuages, c'est vrai, sur l'Occitanie, mais de belles éclaircies dans la moitié nord et du soleil en règle générale sur le sud. La fin de semaine se présente bien, les températures assez douces avant de chuter ce week-end. Cet après-midi, il fera 12 degrés à Sedan, 16 au Mans, jusqu'à 19 pour Toulon. Une main de fer dans un gant de velours. Le Premier ministre annonce ce matin des mesures pour adoucir l'augmentation des prix de l'essence. On parle notamment d'une modification des indemnités kilométriques pour les plus gros rouleurs. La prime à la conversion montera jusqu'à 4000 euros pour les Français les plus modestes qui souhaitent changer de véhicule pour un moins polluant. À 3 jours du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement n'oublie pas non plus de réaffirmer sa fermeté. Aucun blocage total ne sera toléré samedi dans ou aux abords des villes. Dans l'actu également, c'est voté. L'Assemblée a validé hier le budget de l'éducation nationale pour 2019. Plus de moyens, mais aussi plus de suppression de postes comme prévu au collège et au lycée. L'un des motifs pourtant de la journée d'action qui s'est déroulée lundi. Le ministre compte sur les heures sup pour conserver la même qualité d'enseignement. L'un des sites porno les plus populaires en France attaqué en justice, Pornhub, est dans le viseur de plusieurs associations de défense des droits des mineurs. La plateforme est accusée en fait de ne pas suffisamment restreindre l'accès aux enfants. Certaines vidéos seraient visibles sans message d'avertissement. Pendant ce temps, aux États-Unis, les incendies continuent en Californie. L'État est ravagé par des feux de forêt. Ça fait maintenant 6 jours que les pompiers luttent face aux flammes. Plus de 6500 habitations sont parties en fumée. Le bilan humain est dramatique avec 44 morts et de nombreux blessés. Un mot de sport, le foot ce matin. Les Bleus continuent de se préparer à Clairefontaine pour le match de Ligue des Nations vendredi aux Pays-Bas. Hier, c'était jour de première pour Ferland Mendy qui a effectué son premier entraînement avec le maillot 2 étoiles. Le défenseur lyonnais a été appelé par Didier Deschamps cette semaine pour remplacer un autre défenseur, Benjamin Mendy, en provenance de Manchester City. Allez, c'est la folie sur les réseaux sociaux. On a enfin une date de diffusion pour la 8e et dernière saison de Game of Thrones. Les 6 épisodes, les 6 derniers arriveront en avril à la télé américaine et en simultané chez nous sur OCS. L'épilogue d'une longue bataille entre toutes les maisons qui se disputent le trône de fer. Le trailer dévoilé hier donne des frissons. D'ailleurs, 5 préquels sont déjà en cours de production pour prolonger le plaisir. Du ciné maintenant avec un joli moment attendu, joli moment donc pour aujourd'hui au cinéma. Head Full of Dreams, c'est le film, le documentaire sur la vie du groupe Coldplay qui est donc disponible à partir d'aujourd'hui au cinéma. Ce sera dès vendredi sur Amazon Prime. Voilà, fin de ce flash, 8h04, bon réveil, bonne matinée. On est le mercredi 14 novembre et vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Très bonne journée. C'est mercredi aujourd'hui. Oui, oui. Ouais. Mercredi, jour des sorties cinéma. Ouais. Ah, bah, on n'a pas fait la rubrique cinéma. Ah, bah oui, alors. Rubrique cinéma. Énergie présente. La rubrique cinéma de Manu dans le 6-9. Il y a le film de trucs de avant Harry Potter là qui sort. Avec Jude Law, il est beau, il me saoule. Énergie vous a présenté la rubrique cinéma de Manu dans le 6-9. Rendez-vous mercredi prochain. Allez, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. C'est parti. Nous allons appeler l'un ou l'une d'entre vous qui s'est inscrit, inscrite sur énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou l'application Manu dans le 6-9. Et c'est Julie. Elle habite Wallenheim, c'est dans le Bas-Rhin. Elle a 27 ans et elle touche 1005 euros chaque mois. C'est parti Valérie, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Julie, pardon. Julie. Ouais, mais son deuxième prénom c'est Valérie. Attention. Julie de Wallenheim dans le Bas-Rhin, décroche ce téléphone. Allô? Allô, c'est Julie? Allô? Oui. Julie de Wallenheim dans le Bas-Rhin? Oui. Ton deuxième prénom c'est pas Valérie? Pas du tout. C'est clair. Eh ben va à la mairie pour le changer vite. Julie, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Oh putain. C'est Manu sur un arbre. Eh ben oui. Et c'est fait, Julie, je vais doubler ton salaire. 1005 euros x 2, ça va faire 2010 euros pour toi. Julie. Merci. Je crois que tu es en train de pleurer. Un petit peu. Mais tu sais quoi, ce n'est pas grave parce qu'en même temps tu rigoles. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est tu ça. Es en fait une vraie psychopathe. Et je le prends bien. 2010 euros pour toi. Tu es agent de cinéma. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais au cinéma? Je vends des billets, de la confiserie, j'accueille les clients, quoi. D'accord, très bien. Et pourquoi ça coûte si cher les confiseries? Oh, t'exagères là. Oh, non, attends, c'est non, vrai, non. Franchement, le prix non, des confiseries. Non, les confiseries ne coûtent pas cher. Oh, bah, quand même, si, dans les ciné. Arrête. Non, non, t'aurais mieux fait de racheter le cinéma plutôt que des pop-corns. C'est vrai. Ah, ça fait rire. Julie, c'est combien le saut de pop-corn chez toi? Le petit. Le normal. Le petit, il a 4,50 et le plus grand, il est à presque 8 euros. Oh là là, c'est un truc de ouf. 8 euros. Non mais sans déconner quoi. De toute façon c'est pas très très bon de se taper un grand saut de popcorn comme ça énorme. Ben bah là évidemment vu le prix, tout seul, honnêtement, non, vaut mieux pas. Vu le prix c'est pas très très bon. Julie, on te double ton salaire, 2010 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup. Eh, c'est pas non plus énorme 2010 euros, ça fait 4 paquets de popcorn. Hein. On t'embrasse Julie. Merci beaucoup. Allez, c'est rigolo, c'est entre l'émotion, les pleurs, les rires, elle est ailleurs. C'est les larmes de joie. C'est gros, ça, exactement. Gros bisous Julie, ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Énergie.fr ou manudansystem.com. Les concours du jour arrivent dans 3 minutes. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires juste après VG de Rime sur Énergie. Ça c'est VG d'une de Gagno. Quand ça ne marche comme Samuel, Samuel M.T.T. Quand ça ne marche comme Samuel, Samuel M.T.T. Et s'il y a drame, ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus. bienvenue sur Énergie. On va écouter Shawn Mendes dans 3 minutes. Et tout de suite, on va se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Ouais. Et on y arrive tous les jours. Ouais. Oui. Voici, comme chaque matin, 3 histoires de gens improbables qui font des choses improbables. Ça s'appelle les concours du jour. Et on démarre en Russie. Et je subodore qu'il y a de l'abus d'alcool dans cette histoire. Oh non. Ah, ok. Un pont routier en Russie est interdit aux piétons. Ouais. Le problème, c'est que c'est le moyen le plus court pour aller en ville. Si on est piéton, on est obligé de faire un grand détour. Ouais. Du coup, ouais. 4 hommes ont fait un truc pour le traverser quand même. Ils se sont déguisés en bus. Ah. Ils ont pris un grand carton, ils ont découpé des fausses vitres, ils l'ont peint en jaune, ils l'ont mis sur eux et ils ont avancé sur la route en étant persuadés que personne ne s'en apercevrait. Je pense que tu subodores bien. Ouais, sur le, après, j'ai pas le taux d'alcoolémie exact. Ah, on ne peut pas savoir. Ouais, ouais. Voilà, là. Alors, étonnamment, ça n'a pas marché. Ouais. Ah. Ils se sont fait arrêter en moins de 5 minutes. C'est bien, c'est ça. Génial. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont mis plus de temps à faire leur connerie que. Oui. C'est génial, parfait. Deux autres histoires maintenant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé hier à Paris avec les animaux. Ouais. Il y a eu 2 vols d'animaux. Écoutez bien, le premier, un homme a volé près du Louvre une chèvre. En fait, là, à côté du Louvre, à Paris, il y a le jardin des Tuileries et d'énormes pelouses. Ouais. Et pour tondre les pelouses, il faut un truc qui est écolo, c'est ils mettent une chèvre, elle se régale, elle mange et ça tond la pelouse. C'est génial, ouais. Un mec, il a vu ça, il a dit, tiens, je vais la prendre. Hein, et il s'est fait avoir, mais il s'est pas fait avoir sur le moment. Il a pris la chèvre, il a eu le temps de la transporter, mais pour rentrer chez lui, il a pris le métro. Oh là là. Donc imaginez un mec dans le métro ou dans un TER avec une chèvre. Bah, forcément, les gens se posent des questions. S'il se fait contrôler, bah non, oui, effectivement, j'ai pas de ticket, je suis désolé. Mais à coup pas, mais à coup pas. Alors attention, ça n'a pas été la seule chose avec des animaux hier à Paris. La police a arrêté un homme sur les Champs-Élysées qui roulait en Lamborghini. C'est pas pour ça qu'il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter parce que la police a repéré que dans la voiture, il y avait un lionceau. Non. Mais non. Un bébé lion. Mais un vrai lion, quoi. Un bébé lion. La police est arrivée et le conducteur a alors sorti cette excuse. Ah non, ce n'est pas un lionceau, c'est mon chat. Ouais. Alors évidemment, les policiers avaient déjà vu des chats, ils avaient déjà vu des lions, ils ont fait non. Désolé pour vous, ce n'est pas un chat, c'est un lionceau qui a été remis à la fondation, 30 millions d'amis, le mec a été arrêté. Voilà. Et 8h14. Il y a toujours pire que nous dans le monde, dites-vous ça. C'est vrai. Shawn Mendes arrive dans 3 minutes. Manu dans le 6-9. Manu. Sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Before we get out of here. Later, bitches. Mercotte de l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6. Tous les matins, j'écoute Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est mieux qu'un macaron. Et en plus, ça fait pas grossir des fesses. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et c'est la finale ce soir. Ah oui. Avec Mercotte, la finale du Meilleur Pâtissier, c'est sur M6. Et le thème, c'est la fête foraine. Ok. Bah voilà. Ouais. J'espère que le concept, c'est pas de bouffer dans un grand 8. Ni de tirer à la carabine à plomb sur le plus mauvais. Mais voilà. Non. Faut voir ce soir. Ouais. 8h18, on va s'écouter Shawn Mendes. Et juste après, on va avouer des choses qu'on a faites où on se dit, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Voilà. Vous avez fait un truc, vous dites, ah, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Ok. 0870-42-48, on vous prend au téléphone juste après Shawn Mendes. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I can take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Soyez les bienvenus sur Énergie. On va s'écouter le pire. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes. Maître Gims arrive pour vous dans un instant. Mais avant ça, on se pose une question simple. Sommes-nous des mauvaises personnes? Oui. Il nous arrive de faire des choses pas jolies, jolies dans la vie. Et on se dit, oh, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Ouais. Parfois oui, parfois non. 0870-42-48, vous pouvez nous appeler ou sur Twitter avec le hashtag Mali dans le 6-9. Isabelle? Il y a un mec qui a loupé une marche juste devant moi et j'ai éclaté de rire. Je me suis marrée, quoi. Je m'en veux. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Ouais. Comment était la personne après? Inanimée. Ah oui. Non, ça allait. Non, ça allait. Ça fait toujours rire. Quelqu'un qui loupe une marche, ça fait rire. Mais bon, quand même. Tant qu'il n'y a pas danger, tant que la personne peut remarcher après et sourit, honnêtement, ça va. Glandu. Moi, le soir, quand je prends le bus, j'aime bien regarder les gens et j'essaie de deviner celui qui a passé la moins bonne journée. C'est dans les têtes des gens et tout, je regarde. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Non, mais t'es taré. Ouais. Ah, personne fait ça? Non, moi j'essaie d'imaginer ce que les gens font. Dans la vie, le métier. Exactement. D'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, où il va. Ouais, j'ai ce jeu-là aussi. Ah ben voilà. Mais moi, je n'imagine pas qu'elle est le plus triste des gens. Non, je ne le fais pas. Caroline, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Salut. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce qui te fait penser que peut-être, tu es une mauvaise personne? Peut-être. Alors, je t'explique. Quand je fais mes courses et que je me rends compte que j'ai plus besoin d'un article, je suis pressée, j'ai des enfants, donc j'avoue, je le repose dans un rayon hasard en le cachant. Alors Manu, est-ce que je suis une mauvaise personne? Alors, t'es pas une mauvaise personne, Caroline, mais c'est très très drôle parce que l'histoire des enfants, excusez-moi, c'est comme Isabelle, c'est toujours l'excuse. Mais non, à chaque fois, j'avais pas le temps, j'avais les enfants. Ouais, c'est pratique. Quel rapport? C'est pas une excuse, Manu, c'est vrai. J'en ai trois. Voilà. Mais alors, ils ont envie de faire pipi, ils ont envie de rentrer, ils sont fatigués. J'ai envie de faire pipi, j'ai envie de rentrer, je suis en retard. Ouais. C'est pas pour ça que je vais aller rendre mon truc au milieu des autres rayons. Alors, on a tous ces problèmes. Manu, il y a les jeux vidéo par exemple qui l'attendent. On a tous des choses à faire. Ouais. L'excuse de j'ai mes enfants. Imaginez si tout le monde faisait ça. Si tous les gens qui ont les enfants font ça. Faites trois enfants et on en reparle. Chacun sa merde. Merci de nous avoir appelé, Caroline. Il y a Romy sur Twitter qui dit: j'ai acheté des bonbons que j'ai cachés sous mon lit pour ne pas que mes enfants en prennent. Suis-je une mauvaise personne? Mais faites pas d'enfants si vous êtes pas. Mais c'est comme incroyable cette histoire là. Léo, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Bienvenue sur Énergie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben moi, pour rire, quand ma copine est aux toilettes, j'éteins la lumière parce que l'interrupteur est à l'extérieur des toilettes. Alors est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Mais pas du tout, ça fait de toi un mec très drôle. Mais bien sûr, qui n'a jamais fait ça? C'est tellement drôle. Ce qui est drôle, c'est la réaction. Elle est aux toilettes, t'éteins l'interrupteur, t'entends et ce qui est encore plus drôle, c'est de pas répondre et s'en aller. Oh non. Elle va sortir les toilettes, elle rallume, elle se remet aux toilettes. Et là, qu'est-ce que tu fais, Glandu? Hein? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce que je vais faire? On éteint. Mais oui. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi un génie de la blague. Voilà. Ce qui serait drôle après, c'est quand tu joues à la play, qu'elle vienne elle et qu'elle débranche la prise. Ça, ce serait drôle aussi, non? C'est pour ça qu'on s'est quitté. Entre autres. Merci de nous avoir appelé, Léo. Nico. Ouais, moi, il y a un truc que je fais en vacances. J'avoue que j'aime bien poster des photos de ma femme et moi quand on est justement en vacances et que tout va bien. Et ça fait de toi une mauvaise personne. C'était en pensant à mes potes célibataires, tu vois, pour dire. Oh. Ah, tu fais exprès en plus? Non, un petit peu, tu vois, en me disant, putain, c'est le bonheur. Moi, je suis content, quoi. Je vais dire un truc. Ce que tu fais, tout le monde le fait. Ouais. Quand tu postes un plat au restaurant, c'est pas pour montrer que le plat est bon. Moi, je bouffe bien. Ouais, moi, je suis Quand tu fais un selfie de toi à la plage, moi, je suis à la plage. C'est ça. C'est tout le temps ça. Les réseaux sociaux, c'est j'ai une plus belle vie que toi. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Non, mais vraiment. C'est un peu ça. Alors, ça fait de moi une mauvaise personne. Oui, carrément. Non, parce que pour le coup, t'as vraiment une meilleure vie que moi. Allez, 8h25, on revient tout de suite. Le pire, c'est pas la méchance des désordres. On va s'écouter Maître Gims. Et les sondages du matin arrivent dans une petite dizaine de minutes. C'est la chose qu'une personne sur trois fait le plus dans une réunion de travail. Vous allez peut-être le faire aujourd'hui. Ah. Ouais. Vous êtes en train d'arriver au boulot, et restez avec nous. On revient tout de suite. Manu dans le 6-9. Comment puis-je oublier Manu et ses ouin-ouin? Tous les matins sur Énergie. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux titres de David Guetta à la suite, appelez Énergie 3937 et gagnez votre voyage, votre fête et votre rencontre. Avec David Guetta à New York. Énergie, hit music only. Et si nous avions tous la peau fragile? Aderma est la marque de dermatologie végétale à l'avoine Realba, une plante unique issue de l'agriculture biologique française. Aujourd'hui, Aderma lance sa nouvelle huile lavante nutritive Exoméga Control. C'est pour toutes les peaux sèches? Toutes les peaux sèches qui grattent, du nourrisson à l'adulte. L'huile Exoméga Control nettoie en douceur grâce à sa formule biodégradable riche en ingrédients d'origine naturelle. Parce que si notre peau est fragile, la nature l'est aussi. Aderma, mieux dans sa peau, même fragile. En pharmacie et parapharmacie.

toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Beaucoup de brouillard au réveil ce mercredi. Soyez prudents sur la route, c'est en train de se lever. Sinon, le ciel, en tout cas, va se dégager assez rapidement, notamment cet après-midi. Beaucoup de soleil au sud, de belles éclaircies pour la moitié nord. La tendance restera nuageuse quand même, principalement sur l'Occitanie. Les températures stables, mais assez douces. Ça va chuter ce week-end. En attendant, au max, on aura encore aujourd'hui 12 degrés à Montbéliard, 13 à Brest, jusqu'à 18 pour Montauban. Une prime à la conversion de 4 000 €, un chèque énergie remodelé ou encore une modification des indemnités kilométriques pour les plus gros rouleurs. Trois des principales mesures annoncées ce matin par le chef du gouvernement. Édouard Philippe répond au mouvement des Gilets jaunes contre la hausse du prix de l'essence. Le ministre de l'Intérieur, de son côté, l'a confirmé hier. Aucun blocage total ne sera toléré samedi. L'horreur continue aux États-Unis. Les flammes ravagent une grande partie de la végétation en Californie. Les pompiers luttent depuis 6 jours maintenant face à l'un des feux de forêt les plus dramatiques de l'histoire américaine. 44 personnes ont été tuées. Plus de 6500 maisons sont aussi parties en fumée. Le Brexit, les négociateurs européens et britanniques se sont enfin mis d'accord hier sur un projet de divorce à l'amiable. Il aura fallu près de 2 ans pour trouver un terrain d'entente. Rien n'est bouclé, c'est vrai. Le texte doit maintenant être approuvé par les ministres britanniques et par le Parlement de Bruxelles pour entrer en application. Qu'on soit doué ou pas, c'est toujours un stress de changer de smartphone, notamment de marque. D'ailleurs, certains fabricants rendent parfois les choses très difficiles. L'autorité de régulation publie aujourd'hui une liste de conseils, de trucs et astuces pour conserver ses données, ses contacts, ses vidéos en basculant d'un téléphone à un autre. Rendez-vous donc sur arcep.fr dans la journée. Elle troque sa couronne pour une moto et des flingues. Claire Foy, la star de la série The Crown, change d'univers dans Millennium cette semaine au cinéma. Son personnage, celui de Lisbeth Salander, est missionné pour récupérer un logiciel de contrôle d'armes nucléaires. Un rôle intense sur tous les plans. Écoutez. Lisbeth a été mon personnage le plus physique. Le tournage a été épuisant. Il y a beaucoup de scènes d'action dans le film. Une sérieuse préparation a donc été nécessaire, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré me sentir forte et capable d'endurer tout cela. Le rôle est aussi très émouvant. Il a fallu montrer toute la sensibilité de cette femme. Parmi toutes celles que j'ai incarnées, c'est elle qui a le plus souffert. J'ai dû montrer et porter cette douleur pendant tout le film. C'est une chose assez prenante et difficile. Voilà pour cette interview signée Bertrand L'Aiguillon, à découvrir également au cinéma cette semaine, en dehors donc de Millennium. Il y a par exemple Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, tirés de l'univers de J.K. Rowling et donc d'Harry Potter. 8h34, c'est la fin de ce flash, mercredi 14 novembre. Bon réveil, bonne matinée avec Manu dans le 6-9 sur NRJ. Très bonne journée. Il est 8h34, vous êtes peut-être en train d'arriver au boulot, vous êtes peut-être sur la route et vous allez peut-être avoir une réunion. C'est la chose qu'une personne sur trois fait le plus dans une réunion de travail. La réponse, je vous la donne dans 5 minutes, ce serait juste après Maître Gims. Mais avant ça, il est 8h35, il est temps les amis de vous offrir 10 000 €. Le son à 10 000 €. Il a toujours pas été trouvé. Ouais. Ça a démarré lundi. Le principe est très simple. Tous les jours à 8h30, juste avant les infos, je vous fais écouter un son. Ce son, vous le découvrez, vous gagnez 10 000 €. On sait que ce n'est pas moi qui tape sur une touche de clavier d'ordinateur. Je ne ferme pas la portière d'une voiture. Je ne claque pas la porte d'un frigo. Je n'ouvre pas une boîte de jeux vidéo. Je n'agrafe pas un papier. Je ne ferme pas une porte. Ouais. Quel est le son à 10 000 €? Je vous le ferai écouter une fois. Écoutez bien. C'est rapide. Ouais. Quel est ce son? Chaque jour, 3 possibilités de gagner 10 000 €. La première, c'est pour Delphine. Bonjour Delphine. Salut Manu, salut à tous. Salut. Bienvenue sur NRJ Delphine. Quel est le son à 10 000 €? Alors moi, je pense que c'est toi Manu qui ferme un cadenas. Ah, c'est rapide quand tu fermes un cadenas. Ah. Petit claque là. Ouais. Mais c'est pas ça. Désolé Delphine, tu nous rappelles. Benjamin, bienvenue sur NRJ. Salut Manu, salut les mamans. Je finissais ma phrase avec Delphine en fait. Tu nous rappelles, Benjamin, quand tu veux. Quand, en tu, fait. Veux. Mais bon, quand tu veux, j'ai devais le mettre à bout. Benjamin, ça me ferait vraiment plaisir de t'offrir 10 000 €. S'il te plaît, dis-moi quel est ce son. Alors moi, je pense que c'est Manu qui perfore une feuille avec une perforeuse. Ah. Vous voyez les petites perforeuses pour les, ah, pour les papiers, pour les classeurs, ouais. Ouais. Écoute. Oh. Oh. On le réécoute. Pas mal, hein? Ah bah oui. C'est bien vu. Mais c'est pas ça. Oh là là. Oh, yeah, yeah.

savez quoi, ça peut même refaire ressortir des slows. Ouais, ça bien peut sûr. Mais souvent dans la musique, c'est des modes. Il y a un mec qui fait un nouveau style et tout le monde copie le style. Et bah là, ça faisait 1000 ans qu'il n'y avait pas de slow vraiment. Ouais, c'est vrai. Depuis Still Loving You de Scorpion. Ça fait longtemps. Excusez-moi, il n'y avait plus vraiment de slow. Mais c'est bien, ça va créer des couples, ça, j'en suis sûre, cette chanson. Il va y avoir de la galoche. Alors si je parle de mon expérience, ça va aussi créer des râteaux. Hein. Ouais, et en boîte, ça va être gênant quoi. Tu vas avoir ceux qui dansent à deux et puis tu vas avoir ceux qui dansent tout seul là-dessus. Tu lances ? Ah non, non. Glandu ? Non. Non plus. Ah ben merde. Oh non. Ah, non, pas la forme ce matin. Hein. Désolé. Bon, ben voilà pourquoi on fait plus de slow. 8h42. Avant d'écouter Lady Gaga, voici les sondages du matin. Ouais. Attention, c'est parti. Pour 16% des femmes, un homme qui s'y connaît là-dedans est sexy. Qui s'y connaît là-dedans, c'est quoi ? En mode. C'est pas en mode. En sport. C'est pas en sport non plus. La musique, non ? C'est pas la musique. En poème ? C'est pas les poèmes. Ah, en cuisine. C'est pas la cuisine. Ah, c'est pas la cuisine. C'est quelque chose. C'est pas quelque chose. Bah, arrête. C'est quoi ? Pour 16% des femmes, un homme qui s'y connaît là-dedans est sexy. Y a quelqu'un dans ce lieu qui est bon là-dedans ou pas ? Qui est bon là-dedans ? Je suis pas mauvais. Ouais. Et toi, Nico, t'es pas mauvais non plus. Ah ? Paulette, elle. Elle s'y connaît pas, mais elle adore. Ah, enfin. Enfin, ouais. Oh non. Ah, mais alors, je m'y connais mieux que Nico. Hein. Mais oh non, Nico, il s'y connaît en vrai. Il nous a ramené un truc, c'était non, pas mais, bon. Mais tu me charries ou quoi ? T'as une cape chez toi avant ou pas ? Non, j'ai pas une cape. Bah non, parce que tu bois tout, alors forcément. tu fais pas gaffe à la qualité, toi. Mais Nico. Ouais. Mais non, mais c'est vrai. S'il vous plaît, les enfants, arrêtez de vous disputer. S'il vous plaît, de toute manière, normalement, vous ne devriez pas boire d'alcool à table, vous avez 12 ans. Donc, arrêtez. Pour 16% des femmes, un homme qui s'y connaît en vin est sexy. Ah ouais. Non mais oui, le coup au restaurant, il ouvre la carte et toi tu comprends même pas les mots qu'il y a et lui il te dit alors ça, là ça a un goût d'agrumes, c'est délicieux, 2015 c'est la meilleure année pour le Bourgogne. Ouais mais après t'apprends trois mots et tu les ressors, tu vois. Ah oui. Oui, mais enfin, si tu du coffre. Oui, au bout de trois fois avec la même personne, tu ressors les trois mêmes mots, il y a un moment. Ça marche plus. Et on s'est fou, tous les vents ont du coffre. Ouais. C'est la chose qu'une personne sur trois fait le plus dans une réunion de travail. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Peut-être la liste des courses ? Non. Travailler ? Non, faut pas déconner non plus. C'est un truc que tu fais sur ton téléphone ou pas ? Tu peux le faire sur ton téléphone, mais en général. Non, le truc, c'est pas le téléphone. D'accord. Non. D'accord. Okay. La chose qu'une personne sur trois fait le plus dans une réunion de travail, c'est dessiner, faire des gribouillis. Ah oui. Ouais. T'es là. Et... T'as l'impression que tout le monde est en train de noter ce que le mec dit, mais en fait, pas du tout. On fait des zizi avec des ailes. Bernard, vous allez nous lire vos notes ? Oh, vous voulez vraiment ? Très bien. 18% des gens disent qu'ils ont déjà mangé ça à eux tout seuls au moins une fois dans leur vie. À eux tout seuls. Un poulet rôti ? Oh la vache, c'est énorme ça. Ouais, j'ai déjà fait. Ah bon ? Quoi ? Ouais, bah oui. Oh la vache. Poulet, tu commences et tu le vois pas, hein. Il défile. Wow. Putain, c'est quand même, tu le vois. Hein. Ah bon, ok. C'est un plat d'hiver ou pas ? Non. Une corbeille de fruits entière. Non. Non. Oh, la mer raisonnable. Ouais. Même dans un truc déconnant, elle devient chiante. Pardon. Non, mais dis donc. Pardon. Paulette. C'est sucré ? Oui, c'est sucré. Un gâteau au chocolat ? Un gâteau grand format. Oh. Genre un gâteau pour 8. Eh ben, 18% des gens ont déjà mangé ça à eux tout seuls. Ah, et j'avoue, je l'ai déjà fait. Ah ouais ? Quand c'est ton anniversaire et que personne ne vient. Non. Non, mais voilà, j'adore la forêt noire. Le gâteau, la forêt noire. Ouais, c'est si bon. Il y a de la crème, il y a du chocolat, c'est hyper bon. Et ben, le problème, c'est j'en avais acheté un jour. Flaou ! Mais ils en font des portions, tu peux les prendre quand même. Non, tu prends tout, tu manges tout. T'étais pas écœuré après tout ça, là ? Oh non. Le glouton. C'est les autres que t'es écœuré de pas en avoir. Alors. Mais surtout, tu l'avais acheté pour une occasion ? Non, je l'avais acheté parce que je l'avais vu. Oh, j'adore ça ! Ouais. Et après, tu rentres chez toi, t'as envie de manger le gâteau, tu manges. C'est Manu, le glouton. Ah ouais. Allez, 8h45. On va s'écouter Lady Gaga et Bradley Cooper. Juste après, on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Et on écoute tous les messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Tous les messages vocaux. Comment faire arrêter son enfant de pleurer ? Bonne question, Nico. Bien sûr, parce que c'est Nico qui écoute tous vos messages. Eh ben, j'ai la solution, mais elle n'est pas complètement glop-glop. Glop-glop ? Ouais, vous allez voir. Vous direz la même chose après. Ah ouais, c'est pas glop-glop. Glop-glop. C'est vrai que souvent on dit c'est pas glop-glop. Ouais, mais là tu vas voir, tu vas te le dire. Là. Écoute, j'espère que c'est glop-glop. Attention, restez bien avec nous si vous avez envie de voir un truc pas glop-glop. Ouais, glop-glop. Glop-glop. Bim badaboum glop-glop. Nico ne fait plus de phrases, hein. Ouais, que des onomatopées. Je suis fatigué. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Bienvenue sur Énergie, il est 8h50. Vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et on les lit tous. Et c'est pas tout. Il y a ça aussi, les messages vocaux que vous pouvez nous envoyer sur l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas à nous en envoyer. Nico écoute tous les messages et il les partage avec nous chaque matin. Et gros succès hier sur Facebook quand on a raconté les moments où on a été ouin-ouin. Ces moments où on se dit à nous-mêmes, mais t'es con. On écoutera DJ Snake juste après. D'accord, ok. N'hésite pas à placer ce que tu veux. Ça s'appelle du placement de produit. C'est ça. Sur Facebook, il y a Fanny qui dit: j'ai attendu 2 minutes au stop en pensant que c'était un feu rouge. Oui. Tu te sens un peu con, effectivement. Il y a Julien aussi sur Twitter qui dit: j'ai cherché mes lunettes qui étaient sur mon nez. Le classique. Le classique. J'ai des lunettes et ça arrive tout le temps. Ouais. Ça, le téléphone et. Tu les cherches longtemps. Mais sur la tête, je veux bien, mais sur le nez, tu vois bien que tu vois bien. Mais non, parce que. Oui, bah oui, tu vois bien que tu vois bien. Mais t'es habitué à bien voir. Mais oui, tu vois bien tout le temps. Même sans mes lunettes, je vois pas trop mal non plus. Mais tu te dis: putain, elles sont mes lunettes. En fait, quand tu cherches tes lunettes, faut enlever tes lunettes. Faut que tu penses à ça. C'est joli, ça. Bah ouais. Bah non, quand je cherche mes lunettes, j'enlève mes lunettes. Bah ouais, tu te dis: bah je vais les enlever comme ça. Bah non, si je les cherche, je les enlève pas. Je t'en reparlerai hors antenne, c'est non, non, non, non. Non, alors vraiment non. C'était une petite astuce. Je peux continuer. Oui, bien sûr. C'est juste que tu peux actionner sur la trappe de Isabelle. Normalement, on a installé une trappe sur Isabelle et elle s'ouvre quand vraiment on est au bout du bout. Je te rattraperai, Isabelle. Non, merci. On n'a pas la trappe. Il faut la faire alors. Mais non. Pardon. Un autre moment, on a été ouin ouin. Il y a Victoria sur Facebook qui dit j'ai appelé un réparateur pour ma télé. En fait, j'avais juste plus de piles dans ma télécommande. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, là, ouais. Tu passes pour un con. Ouais, vraiment. Et un dernier message de Fred qui dit j'ai attendu devant les toilettes pendant 10 minutes en pensant qu'il y avait quelqu'un dedans. J'avais juste poussé la porte au lieu de la tirer. C'est bon ça. Tu dis ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, hier toujours, on a eu un moment aussi aux confessions des mamans et en voilà une de plus par message vocal sur l'application Manu en 6-9. Bonjour toute l'équipe. Bon bah moi je suis pas la meilleure maman du monde parce que quand mon fils se met à pleurer pour aucune raison valable, bah vu que c'est un goinfre, je lui donne un gâteau et ça le fait taire. Voilà voilà. Bonne journée tout le monde. Alors oui, effectivement ça peut le faire taire, mais c'est pas terrible quand même comme solution. Moi pour ça j'ai l'option petite tomate cerise. Ça marche très très bien parce qu'il y a le côté répétitif, mais c'est très bien pour la santé. Ah oui. Oui c'est vrai que la tomate c'est bien pour la santé, mais 120 tomates non. Bon, après une maman, voici un fils, et ce message vocal, c'est la définition exacte de ce que c'est d'être un ado. Les moments où je m'ennuie grave, je sais pas quoi faire, si je fais mes devoirs ou si je continue à rien faire. Aidez-moi. Eh, mais tu sais quoi? Mais c'est tellement ça. Ça vous est jamais arrivé? Vous êtes chez vous, vous êtes là, et vous êtes. J'ai envie de faire un truc, mais je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Ouais. J'ai envie de faire un truc, mais je sais pas quoi. Oui, mais moi, ma mère, elle m'a appris quand j'étais petite que l'ennui rendait créatif. Du coup, je pense plein d'après-midi comme ça à rien faire. Je construis une trappe aussi pour en dessous de. Bon, dernier message vocal, on termine avec une fille qui n'en peut plus des mecs en couple et un peu infidèle aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez célibataire. Merci, merci, merci, parce que. Je peux pas te voir parce que je suis avec ma femme ou je peux pas te voir parce que je suis avec ma copine. C'est bon, je n'en veux plus. Wow. Ça sortait du cœur, voilà. Le coup, elle a pas tort hein, là-dessus. Ah bah oui, forcément, c'est pas très bien. La solution, c'est de se mettre avec quelqu'un de célibataire à la base. Oui, mais peut-être qu'à la base, le mec lui avait pas dit. Ouais, voilà. Ah oui, là, c'est pas bien. Ah, non, bah... Effectivement, Glandu, bien vu. Tu sais quoi, toi aussi, allez. Non. Là, je construis une petite trappe. Ah, petite. Au cas où. Ouais, c'est pas juste. Toi, ne rajoute pas. J'ai encore une scie. Hein. Et 8h53, n'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux. L'application Manu dans le 6-9, elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger. DJ Snake sur Énergie avec Selena Gomez. On est mercredi, on démarre la journée ensemble sur Énergie. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le va a él. Va. Oh, oh, oh, oh. I am using high flows. Bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry. My nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje venticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Every day, and I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. I'll be buying the party. It's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese paso.